Stephen King aime Joe Hill, Joe Hill aime Stephen King, Stephen King et Joe Hill ont écrit Dans les hautes herbes et Vincenzo Natali l'a adapté. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Vidéoclub de Castle Rock que je présente en compagnie de Chris comme d'habitude. Salut. Salut. Ça va? Malade. Ouais, ça commence à passer, ça va pas mieux. On est tous malades en ce moment de toute façon, voilà. Ça commence à passer. Aujourd'hui nous allons parler de la nouvelle Dans les hautes herbes, In the Tall Grass en VO qui a été publiée en 2012, coécrite par King et son fils, et de son adaptation qui date de 2019 sur Netflix, Dans les hautes herbes, réalisé par Vincenzo Natali, de 101 minutes. Nous allons spoiler la nouvelle comme le film. Pour le coup, le film apporte un certain nombre de nouveaux éléments, donc si vous n'avez lu que la nouvelle, mais que vous voulez le découvrir, voilà, on vous conseille de ne pas forcément écouter tout l'épisode. Mmh. Et nous, je propose qu'on y aille. Eh ben, allons-y. Les hautes herbes nous racontent l'histoire d'un frère et d'une sœur, Cal et Laisla, qui, un jour, en se baladant le long d'une route pour faire un trajet, parce que la sœur est enceinte, elle veut faire adopter le bébé, et un jour, en se baladant le long d'une route, ils entendent d'un enfant qui crie au secours en provenance d'un champ sur le bord de la route. Ils vont vouloir l'aider, mais une fois entrés dans le champ, ils vont se rendre compte que c'est un peu un TARDIS en fait. Il est beaucoup plus grand à l'intérieur et c'est un labyrinthe. Et ils n'arrivent pas du tout à en sortir. Le père de l'enfant est visiblement devenu complètement fou et veut tuer tout le monde. Et il y a une pierre étrange au milieu du champ qui semble donner des visions, des révélations à ceux qui la touchent, mais qui rend aussi fou en échange. Quelque chose de très Lovecraftien. Camoulox. Bon, Joe Hill, c'est quelqu'un dont on a déjà parlé, parce que c'est le deuxième des enfants King, après Naomi et avant Owen. Et c'est aussi un auteur qui commence avec pas mal de nouvelles, il a écrit pas mal de nouvelles dans sa carrière de manière générale à la fin des années 90. Son premier roman, il le publie seulement en 2008, il s'appelle Le Costume du Mort. Pour le moment, il a écrit 4 romans, il y a aussi Horns et Nosferatu. Et une partie ont été adaptées d'ailleurs déjà au cinéma, Horns par Alexandre Aja, Nosferatu en série, et aussi une de ses nouvelles, Black Fun, qui a été adaptée par Scott Derrickson. J'en avais pas entendu parler, mais Scott Derrickson, c'est le réalisateur du premier Sinister Délivrez-nous du Mal. Ouais, deux films que moi j'aime bien. Ouais, voilà, pareil. Ouais, tu l'as vu depuis Délivrez-nous du Mal ? Oui, c'est toi qui me l'avais conseillé, ouais, il est cool. Ouais. Et son prochain film là qui a été annoncé avec Ethan Hawke, encore une fois. D'accord, je suis toujours preneur, j'aime bien Ethan Hawke. Je me sens que c'est prévu pour cette année. D'accord, bon bah j'irai voir ça. Joe Hill, il est aussi actif dans les comics. Sa série la plus connue et la plus longue, c'est Lock and Key, qui a aussi été adaptée en série d'ailleurs. Mais il est aussi à la tête, par exemple, de la collection Hill House Comics, qui est une collection de comics horrifiques souvent courts, c'est des choses qui sont en quelques épisodes. Oui, c'est des mini-séries de 5-6 épisodes en général. Dans laquelle il a publié, lui, Plunge et surtout A Basket Full of Heads, que tu m'avais offert et qui est très très bien. C'est ça, c'est deux mini-séries, déjà ça me fait plaisir que ça t'ait plu, c'est deux mini-séries qui sont éditées chez nous par Urban Comics, qui valent vraiment le coup. Alors, Basket Full of Heads, je vous le conseille et je vais faire exactement comme j'ai fait avec Issam. Lisez-le, alors si vous avez la possibilité, bien entendu, sans lire le synopsis. Parce qu'en fait, l'élément fantastique perturbateur, je pense que si tu ne le connais pas, tu prends beaucoup plus de plaisir quand il arrive. Oui, je pense aussi, oui. Je pense que si tu le connais, comme c'était mon cas, il y a beaucoup moins d'impact parce que tu t'attends à ce qui arrive. Alors que là, si tu te le prends sur le coin de la gueule, tu fais « Bon, que j'ai que ça !» Et Plunge, qui là est une mini-série... Également horrifique, mais vraiment plus horrifique sombre, parce que Basket Full of Head a quand même un petit peu d'humour noir. C'est très conte de la crypte, en fait, Basket Full of Heads. Alors que Plunge, on est vraiment dans une ambiance horrifique à la Lovecraft. Typiquement, l'ambiance dont on va parler aujourd'hui avec Les Hautes Herbes. Plunge aussi, c'est très très bien. C'est pareil, c'est en un seul volume. C'est une mini-série en 6 épisodes, je crois. Dessinée par un Stuart Immonen au sommet. Voilà, c'est très très bien aussi, Plunge. N'hésitez pas. Bon, je pense que je me laisserai tenter. Mais même Lock and Key, j'aimerais bien la lire. C'est une série beaucoup plus longue déjà, parce que ça compte 5 volumes au total, il me semble. Voilà, Lock and Key, par contre, je ne l'ai jamais lu. Donc moi-même, c'est une série qui me tente depuis un petit moment, il faudrait que je me penche dessus. Joe Hill et King avaient déjà coécrit une nouvelle plus tôt, c'était Plein Gaz, en 2009. Dans Les Hautes Herbes, c'est d'abord publié dans le magazine Esquire en 2 numéros, celui de juin-juillet et celui d'août, en 2012 donc. Et ils ont sorti un e-book en fin d'année, qui recueille l'ensemble. Par contre, pour la première version papier en recueil, elle est assez récente puisque c'est dans le recueil Le Carrousel Infernal de Hill qui a été publié en 2019 en VO. Ouais. Et en VF, c'est sorti l'année dernière chez Albin Michel et je crois... Chez Lattès, effectivement. C'est Albin Michel, c'est justement Lattès qui édite Joe Hill et c'est Albin Michel qui édite King chez nous. C'est pour ça que j'ai confondu. Et je crois que ça sort cette année, dans quelques mois, en version poche, je me le prendrai à cette occasion. Ah, j'étais pas au courant, tiens. Même si j'aimerais bien que ce soit recueilli aussi dans un prochain recueil de nouvelles de King. Ça se fait attendre d'ailleurs, un nouveau recueil de nouvelles courtes de King, ça commence à faire quelques années qu'on en a pas eu. C'est des nouvelles longues, Si ça saigne, si c'est 4 nouvelles longues, voilà. C'est le format différentes saisons. Et celui qui est sorti récemment après, c'est un roman ? Après, c'est un roman, d'accord. Roman court, mais c'est un roman. J'ai vu que c'était sorti il y a pas longtemps, j'en avais pas du tout entendu parler, donc quand je l'ai vu en librairie, j'ai dit, comment ça ? Ouais, c'est un roman qui doit faire, qui est pas interminable, qui doit faire dans les 300 pages, quelque chose comme ça. Tant dire un petit roman chez King. Ouais, c'est ça. Puis là, il a sorti un nouveau roman, la suite de Gwendy et la boîte à boutons. Et à la fin d'année, il en sort un qui a l'air d'être un gros pavé. Voilà. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Ah, il a fini le prochain, celui qui sortira encore après, qui est un nouveau roman avec Holly, de nouveau. Ah, Holly de... De la trilogie Mercedes. Oui, voilà. Et de The Outsider et Si ça saigne. D'accord. Donc, en fait, les deux venaient de finir des projets plus importants et ils avaient pris des vacances en famille en Floride et ils s'étaient arrêtés à un snack un peu paumé. Ils se sont dit, on n'a qu'à collaborer sur quelque chose de court, ça nous détendra, ça nous fera penser à autre chose. Les mecs, même en vacances, ils peuvent pas s'empêcher de bosser, quoi, c'est incroyable. C'est ça. Vraiment, Et assez vite, ils ont eu l'idée de Dans les Hautes Herbes, tandis que moi, c'est l'inverse. Même quand je travaille, je peux pas m'empêcher de glander, donc... Chacun son truc, hein. C'est ça. Et leur méthode d'écriture, c'était que l'un des deux écrivait quelques pages, il les envoyait à l'autre. L'autre, d'abord, corrigeait, revoyait les pages qu'avait écrites, qui lui avaient été envoyées, puis en rajoutait quelques-unes, qu'il renvoyait à l'autre, qui corrigeait, qui en réécrivait, voilà, petit à petit, en fait. Une méthode qu'a aussi employé King avec Owen sur du beaucoup plus gros projet quand ils ont écrit Sleeping Beauties. Là, c'est un truc de 700 pages, Sleeping Beauties. Et apparemment, en fait, c'était un jeu que la famille avait quand les enfants étaient jeunes, où King écrivait quelques lignes sur une machine à écrire qu'il laissait ensuite au milieu du salon, et n'importe qui, que ce soit Owen, Naomi, Joe Hill ou Tabitha qui passait, pouvait ajouter quelques mots et prolonger l'histoire. En fait, c'est un cadavre exquis un peu bourge, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, le cadavre exquis, normalement, personne ne sait ce qu'a écrit la personne précédente, donc là, Tandis que là, ils sont au courant, mais oui, il y a un peu de ça, ouais. Un petit peu, oui, un cadavre exquis de famille d'écrivains, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, l'écriture a visiblement duré environ 6 jours, ce qui est assez rapide. Bah après, tu me diras, la nouvelle n'est pas non plus... Oui, certes, mais bon, quand même. Et donc, sur la nouvelle, c'est tout ce que j'ai. Je propose qu'on donne nos avis tout de suite. À toi l'honneur. Donc, du coup, je crois que c'est la première fois que ça nous arrive. On a pioché un titre que l'on n'avait ni lu, ni vu, ni l'un ni l'autre. Oui. Je crois que c'est la première fois que ça arrive dans toute l'histoire de ce podcast. Oui, parce que sinon j'avais à peu près tout lu de King, donc... Voilà. Ouais. Donc déjà, c'est à noter. Alors, dans Les Hautes Herbes, c'était sympathique. C'était pas extraordinaire. C'était pas un mauvais moment de lecture. ça va très vite. Ça développe pas beaucoup ses personnages, après c'est pas forcément le but. C'est intriguant, ça balance des points d'intrigue qui sont pas forcément plus développés que ça. Et du coup c'est dommage, parce que pour le coup, tout ce qui tourne autour de la pierre et du mysticisme, je trouve ça intéressant et ça aurait vraiment gagné à être plus développé en fait. Pour moi c'est ça le vrai problème de Dans les hautes herbes, de cette nouvelle, c'est que ça en dit pas assez. Tu vois, c'est comme quand un mec te dit « Ah, j'ai un secret à te dire, je sais pas si je dois te le dire. » En fait, il en a trop dit et pas assez. Et ben là, c'est pareil. C'est la nouvelle, soit elle en dit trop, soit elle en dit pas assez. Et ça m'a vraiment frustré, en fait, à la fin de la lecture, parce que j'ai pas passé un mauvais moment. Mais putain, je voulais en savoir plus. Bah, après, moi, ça m'a pas forcément gêné d'en savoir si peu, dans la mesure où où ça m'a mis dans la situation des personnages qui, eux-mêmes, n'en savent pas beaucoup, comprennent pas ce qui se passe, ils sont juste face à quelque chose d'inexplicable qui leur tombe dessus d'un coup. Donc moi j'ai plutôt bien aimé justement qu'on n'en sache pas beaucoup dans cette nouvelle-là. Mais du coup c'est le seul truc moi qui m'a gêné, parce que tout le reste, écriture, ambiance, peut-être les personnages qui sont pas extrêmement développés, mais ça encore c'est pas non plus... Ils le sont suffisamment pour que tu puisses t'y attacher un minimum. Ouais. Donc c'était pas plus gênant que ça. Ouais, il y a vraiment que ça en fait qui m'a un petit peu perturbé. Cet aspect, on n'en sait pas plus que ça. On en reviendra, je trouve que justement le film fait un meilleur travail de ce côté-là. Le film développe plus. Mais du coup, je suis le cul entre deux chaises face à Dans les hautes herbes. Au niveau de l'écriture, j'aime bien la gestion de la longueur des chapitres pour qu'on passe de... Alors c'est jamais des chapitres très longs, ouais. Mais ils font quand même quelques pages au départ, et à la fin on a vraiment des chapitres très très courts, très elliptiques, où on n'a plus que des espèces de flashs de ce qui est en train de se passer, et qui est horrible, hein, parce qu'en gros, le frère fait manger son fœtus à la sœur. Oui, c'est quelque chose de pas très urbain, hein, on va dire, c'est pas poli, ça se fait pas. C'est pas très cool, quoi. Voilà. Bah, faut vraiment demander la permission avant, mais même en demandant la permission, en général, oui, puis ça gâche les repas de famille, après, enfin, ouais. Je me demande toujours ce que t'as dans ton assiette. Si vous aimez bien le cinéma asiatique, Nouvelle Cuisine, c'est très bien. De Food Chan, ouais. Voilà, c'est très très bien. Si vous aimez bien les fœtus. Ah mon dieu, cette parenthèse. Il y a aussi des histoires de fœtus, mais qui ne sont pas mangés dans le premier. Comment ? Evil Dead Trap. Je sais pas si tu l'as regardé. Ah non, je l'ai pas encore regardé. Il y a aussi des histoires avec des fœtus. On aime bien les histoires de fœtus, ouais. On est au club de Castle Rock. Mais King aussi, il aime bien sacrifier les enfants, donc après, on y est pour rien. Hein. Ouais, moi ça m'a pas gêné, ça m'a rappelé un peu haine dans le concept, ouais, de Pierre et dans le côté vraiment très très Lovecraftien là-bas. Encore une fois, on se demande pas où est l'influence. Je rigole parce que haine c'est un épisode qu'on aurait dû aborder qui n'a pas été abordé. Ouais, qui a eu des soucis. Peut-être un autre jour, hein, voilà. Quand on sera remis de l'absence. C'est l'épisode secret. C'est l'épisode caché du vidéoclub de Castle Rock. Parce que souci d'enregistrement, tout ça. C'était con parce que c'était bien. Oui, on s'était bien débrouillé, on avait fait un bon épisode. C'était passionnant, mais malheureusement, c'est un épisode que je vous donnerai jamais. À moins que vous nous payiez pour qu'on le refasse. Hein, là, voilà. Fatalement, je pense qu'on le refera un jour, hein, mais oui. Quand, je ne sais pas. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est un peu comme quand tu joues. Et que t'es là, t'es content, tu reprends ta partie de FF10. Non, c'est pas du tout un traumatisme de jeunesse. T'es là, tu reprends ta partie de FF10 où t'as 50 heures de jeu et bam, sauvegarde qu'on veut plus, t'as tout perdu. Ah mince. Et bah du coup la partie tu la reprends pas tout de suite. Ouais. Tu laisses passer surtout quelques quand années. Tu dis que tu vas devoir subir 50 heures du rire de Tidus. Voilà, tu laisses passer quelques années avant de relancer le jeu en fait. C'est ce genre de traumatisme là. Il y a beaucoup de parenthèses dans cet épisode. Mais ouais, moi c'est une nouvelle vraiment avec laquelle j'ai passé un bon moment. Elle est pas... C'est pas la meilleure que j'ai lue. Ce qui a pas mal joué, c'est que je crois qu'on n'a pas une traduction qui est fabuleuse, je pense. Ouais. Il y a quelques trucs que j'ai trouvé un peu... Oui, la version inigo dans la pourtant, traduction. La version qu'on a lue, c'est une version... c'est la version du e-book traduit par Albin Michel. Non, c'est une fan trad. Ah, parce que moi, c'est la version e-book Albin Michel. Ah, ce que tu m'as envoyé, c'est une fan trad, par contre. Parce que j'avais plus le fichier que j'avais chopé, moi. Ah, bah, merci bien. Bah, écoute, moi, j'ai eu une bonne version. Je trouve l'idée bonne du champ dans lequel on se perd complètement. Ah, ça me rappelle un peu les Enfants du Maïs. Oui. Forcément. Oui. Après, ils sont pas tant perdus dans les Enfants du Maïs que... Mais ce côté, ce côté nature et menace qu'on n'identifie pas tout de suite. Ouais. enfin qu'on n'identifie même jamais dans les hautes herbes finalement. Mais j'aime, comme tu dis, en fait j'aime bien la narration, le fait qu'on saute d'un personnage à l'autre, ouais. Que ça soit très fluide. Ça aussi c'est un truc que le film fait très bien. Dans le roman c'est fluide, et en fait c'est ce qui permet à ce que la lecture soit ultra agréable. Vraiment, la nouvelle, je l'ai lue d'une traite. Oui, pareil. C'est, je l'ai lue hier matin. Hop, d'une traite sur mon canapé. Et ça passe très bien. Et je pense que c'est ça, en fait, qui m'a frustré. C'est que j'étais tellement à fond dedans que quand la fin arrive, parce que la fin arrive de manière assez brutale, hein, t'as pas le temps de t'y attendre. Hein. C'est la fin, elle arrive, voilà, c'est ouais. Fini, mon gars. Allez, au revoir. Bah non. C'est vrai que ce serait intéressant de voir King collaborer avec Joe Hill sur un projet plus long, parce que là, finalement, il a fait deux nouvelles avec lui, mais il n'y a que avec Owen qu'il a fait un vraiment gros roman. Ah oui. Et bon, là, sa fille, c'est la seule de la famille qui écrit pas, donc... Oui. Avec elle, non, mais... Hein ? Avec elle, non, il collaborera pas, mais voilà. Bah, peut-être sur d'autres trucs, mais on sait pas. Peut-être qu'ils font la cuisine ensemble le soir. Ah, peut-être. On ne sait pas. Peut-être qu'ils étendent le linge. On ne sait pas. Sur la nouvelle, effectivement, je vois pas forcément trop quoi ajouter, étant donné qu'elle est assez courte. Comme prévient Chris, vous attendez pas à avoir des réponses. C'est quelque chose de très mystérieux. Après, ça colle parfaitement avec l'ambiance Lovecraft. Oui, voilà. Clairement, aussi. On sait où on va. Ouais. Surtout qu'il y a aussi tout le traitement de la folie, quand même, autour des personnages. Parce que. Normalement, je me plains pas de pas avoir de réponse parce que fondamentalement, je m'en fous. Typiquement, on l'a pas évoqué au podcast précédent, la ligne verte, John Caffey, on sait rien sur lui, on sait rien sur ses origines, c'est pas grave. Et ça n'a aucun intérêt qu'on en sache. Mais là, j'aurais bien en avoir un peu. J'aurais bien voulu en avoir un petit peu de biscuit sur la pierre. Ouais, juste un tout petit peu plus. Des évocations. Pourquoi il y a des gravures dessus. Ouais. Tu vois, ça sous-entend qu'il y a eu un mythe autour d'elle. Tu vois, ouais, j'aurais bien voulu en avoir un peu quand même. Alors que là, il y a vraiment R. Ah, rien. T'as des choses à ajouter, toi, sur la nouvelle ? Non, c'est une nouvelle qui se lit vite et bien, qui fait vraiment le taf au moment de la lecture, qui n'est pas vraiment effrayante, mais qui a quand même des moments un petit peu de tension. Oui. Donc, même si pour moi, ça manque de substance, c'est quand même une nouvelle que je peux conseiller. Voilà. Très bien, je propose qu'on passe à son adaptation alors. Eh bien, allons-y. Je suis perdue ! J'ai entendu crier. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Je sais pas, c'est un peu bizarre tout ça. Je crois qu'on devrait revenir sur la route. Becky ? Travis ? Qui êtes-vous ? Qu'est-ce qui se passe ? Je voulais simplement vous retrouver. Quoi ? Comment t'as pu arriver ici avant nous ? J'en sais rien ! Je cherche mon fils et ma femme. Ils sont perdus aussi. C'est dingue, ça ! Il est juste dans la chambre. Il est parti de l'autre côté. Ah ah ! Je vais jamais la retrouver. On peut retrouver des choses. Mais c'est plus facile quand elles sont mortes. Vincenzo Natali, c'est un réalisateur canadien qui est principalement actif dans le cinéma de genre. Il s'est fait connaître dès son premier long métrage, qui a été pas mal remarqué, Cube, en 97. Cube, pas mal remarqué, effectivement. Ouais, voilà. Excusez-moi du coup. C'est ça. Il a aussi réalisé Cypher, qui est son seul film que je n'ai pas vu. Moi non plus. Nothing, Splice et Hunter. Et à côté de ça, un paquet d'épisodes de séries télé. Il a plutôt des séries télé qui ont bonne réputation. Il est sur Hannibal, The Strain, Westworld, Lock and Key et The Stand. Juste un mot sur The Strain, parce que c'est très bien, parce que c'est en partie showrunné par quelqu'un que t'aimes bien. Oui, c'est Del Toro qui est showrunner. Une série de vampires piloté par Guillermo del Toro, adapté d'un roman de Guillermo del Toro qu'il a écrit avec quelqu'un d'autre, mais je ne sais plus le nom du mec qui l'a écrit. Non, moi non plus. C'est une série de romans à la base, The Strain, de Guillermo del Toro avec un autre auteur. Mais oui, effectivement, c'est très bien The Strain. L'histoire d'un chasseur de vampires qui chasse du coup des vampires, mais dont un des vampires est nazi. Et lui, c'est un ancien, c'est une ancienne victime de l'Holocauste. Donc déjà, ça te plaît, ça ? Ah bah moi, quand il y a des nazis, toujours. Voilà, si en plus ils sont vampires... On a Samuel Fuller dedans ? Non. En chasseur de nazis, qui chasse aussi les vampires ? Non. Dommage. Dans la filmographie de Nathalie, Hunter, c'est pas mal. Et mais c'est surtout, comment il s'appelle son avant-dernier film, du coup. Splice, qui, moi, j'aime beaucoup. Ouais, ouais, j'aime beaucoup aussi. Il y a une ambiance très malsaine. Ouais. C'est avec Adrien Brody. Oui. Et c'est une histoire de scientifique qui crée un mutant, en fait. Un couple de scientifiques qui crée un mutant, une créature bizarre. Comme ils n'ont pas d'enfants, ils vont s'attacher et considérer ce mutant plus ou moins comme leur enfant. Et ça va très vite dégénérer en quelque chose d'assez malsain, d'assez incestueux. Oui, parce qu'après, ils le considèrent plus que comme un simple enfant. Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment très bien. Pas à mettre devant tous les yeux, clairement, non. Mais... Je connais justement beaucoup de personnes... Super surprise. Je connais justement beaucoup de personnes qui n'aiment pas pour ce côté malsain. Ouais. Mais du coup, c'est totalement compréhensible. Oui, totalement. C'est vraiment... Splice, c'est vraiment le genre de film où on aime ou on n'aime pas. Mm. C'est radical, il n'y a pas d'entre-deux. Comme tu le disais, Hunter est bien sympathique. Mm. Le principe est sympa, c'est bien filmé. J'aime bien l'actrice, Abigail Breslin. Mm. Cube, bon bah c'est culte pour une bonne raison. Hein. C'est un concept super intelligent, ça permet quelque chose de tendu, d'assez gore. Voilà, ne regardez jamais les suites, par contre. Quoique le 3 est mieux que le 2, mais effectivement, ça reste pas très bien. Bah écoute, j'ai jamais vu le 3. Je me suis arrêté au 2, justement. Et Nothing, c'est plutôt rigolo aussi, en fait. C'est l'histoire de deux amis un peu losers qui vivent dans une cahute entre deux autoroutes de Toronto. Et un jour, en fait, alors qu'ils ont plein de problèmes, ils vont faire disparaître littéralement tout ce qu'il y a autour d'eux. Donc ils se retrouvent dans un décor vide, entièrement blanc. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils ont le pouvoir de faire disparaître tout ce qu'ils veulent. Et c'est tourné façon comédie, il y a quelques trucs un peu lourdingue, mais ça reste globalement assez fun, en fait. Ça fait un peu... Quand je t'ai fait le résumé, tu me disais ça faisait un peu penser à Seul Tout, et effectivement, il y a un peu de ça, ouais. Donc Seul Tout avec Eric Aramzi. Avec et de Eric Aramzi, non, je sais plus. Je crois pas qu'ils soient réalisateurs. Si, peut-être qu'ils sont réalisateurs sur Seul Tout. Ouais, je me pose la question. Ouais. En tout cas, avec Eric Aramzi. Ouais. Sauf que là, c'est seulement les gens qui ont disparu. Ouais, c'est ça. Mais Seul Tout, effectivement, si je peux conseiller une comédie française des dernières années, c'est bien Seul Tout. Ouais, elle est vraiment cool. C'est vraiment très drôle. Comme Darabon, Nathalie, il a découvert King avec Shining, et son livre préféré, c'est Dead Zone. Il s'intéressait à une adaptation de la nouvelle dès 2015. À cette époque, il avait déclaré à ce sujet « Qui aurait pensé que l'herbe pouvait faire peur ? Faites confiance à Stephen King et Joe Hill pour ça. » Ils ont transformé un champ parfaitement inoffensif du Kansas en théâtre d'une des histoires horrifiques les plus dérangeantes que j'ai jamais lues. Il a écrit un premier scénario dès cette époque, apparemment, mais le financement a été assez difficile, en fait. Il fallait un budget qui était un poil trop élevé pour un film indépendant, et aucun studio n'en voulait, donc ça a été compliqué. Finalement, c'est Netflix qui annonce le 7 mai 2018 qu'ils vont financer le projet, alors qu'il y avait déjà eu des négociations infructueuses auparavant. Nathalie dit clairement que s'il y a eu un changement d'avis, c'est parce qu'il y a eu ça qui est passé par là, qui a repopularisé King, parce qu'apparemment, quand il faisait ses recherches de budget avant, il y a même un producteur qui lui avait dit que le nom de King ne voulait plus rien dire maintenant. Ouais, mais c'est pour ça qu'on va se taper le remake de Christine, mal d'autres films derrière. Hein. Bah, de Charlie, de Salem. Voilà. Au final, ce qui est chiant dans cette affaire-là, c'est qu'on va se taper des remakes et non pas des nouvelles adaptations. Voilà. Bah apparemment en nouveau il y a quand même Marche ou Crève qui a l'air bien parti. Oui, à la limite. Et la petite fille qui aimait Tom Gordon aussi, qui est visiblement en chantier maintenant. Donc ça, je suis plutôt pour, mais effectivement il y aura pas mal de remakes dans le lot. Après le remake, s'il se fait le remake de Running Man par Edgar Wright, celui-là je suis preneur, hein, même si c'est un remake. Après il y a des remakes qui sont plus... comment dire... Il y a des films qui méritent pas, genre... Désolé, mais Christine, il est déjà parfait comme il est. Mm. Pourquoi en faire un remake, je ne sais pas. Surtout que c'est pas un film qui a vieilli, en plus, visuellement. Ouais, c'est ça. Alors que Running Man, bon, d'accord, ça a un petit peu pris un coup dans l'aile. Ouais, faut admettre. Bon, après, en plus, pour revenir à la popularité de King, c'était aussi populaire sur Netflix, parce qu'ils avaient déjà pas mal marché, je crois, avec 1922 et Jesse, qui était déjà sorti à l'époque. C'est vrai que Netflix a produit beaucoup d'adaptations... Ah mais de toute façon Netflix, dès qu'ils trouvent un filon, ils le saignent à blanc. Hein. Là ils ont, je crois que c'est eux qui produisent Mr. Harrigan's Phone, qui est prévu, et je me demande s'ils sont pas aussi prévus sur le projet de Ben Stiller d'adapter Rat. Mm. Donc Netflix, ils ont tendance à être, ouais, à toujours creuser le filon à fond pour le meilleur et pour le pire surtout. Après faut aussi aussi se méfier sur leur réelle application ou pas. Parce que le nombre de fois où on nous dit que c'est une production Netflix, et en fait les mecs sont juste venus alors que tout était terminé, et juste que le film ne trouvait pas de diffuseur, et hop, et ben voilà, ils ont arrivé... À la limite, là, je pense qu'ils sont peut-être un peu impliqués sur ces trucs-là, mais c'est... Il y a toujours un gros côté, la quantité privilégiée sur la qualité chez Netflix, comme chez beaucoup de producteurs, hein, en réalité. Mais je trouve ça particulièrement marquant et fatigant chez Netflix, tellement la quantité est colossale. En fait. Alors que c'était pas le cas au tout début de la plateforme, c'est ça qui est malheureux, en fait. Mm. C'est qu'au tout début de la plateforme, je me souviens, les productions Netflix, je me souviens, ne sortaient que le vendredi. Parce que, et justement, c'était la date butoir de la semaine, c'était vendredi, c'est nos productions. Et donc, ils mettaient une série ou un film. Sauf que maintenant, c'est étalé, et t'en peux plus, tellement il y en a. Et surtout que, bon, pour les séries télé, bah, ils te les annulent au bout d'une saison, donc ça ne rime à rien. Donc au bout d'un moment, arrêtez-vous, les gars. Ouais, non, mais c'est ça, c'est une stratégie pour attirer du monde en mettant un peu tout le temps. Ah, c'est ça, et surtout pour étouffer la concurrence. Oui, aussi. Alors, j'ai pas tout regardé, mais j'ai vu le premier épisode de leur adaptation de Cuphead en dessin animé, et c'est quand même nul, quoi. Ouais. Je peux regarder encore. Bah, c'est-à-dire c'est un rythme que le rythme est tout pété, donc ça donne un dessin animé à l'ancienne avec un rythme tout pété. Mmh, d'accord. Et déjà, même si le rythme avait été bon, j'aurais pas voulu voir un dessin animé à l'ancienne parce que autant voir un dessin animé à l'ancienne. Voilà, c'est ça. Donc, autant regarder des vieux. Non seulement c'est un truc inutile, mais en plus ils l'ont raté donc. Autant regarder des vieux cartoons de Disney de l'époque, quoi. Ouais, voilà. Tout simplement. Mais justement, en parlant de Disney, en fait, je trouve, et on peut penser ce qu'on veut. C'est-à-dire beaucoup de mal de Disney et de leur stratégie actuelle quant à la diffusion Disney Plus et tout. Je trouve que leur manière de faire avec leur production Disney Plus, notamment sur Marvel, est beaucoup plus logique et réfléchie. C'est-à-dire à dire on fait des séries, mais on fait des mini-séries. Oui. C'est-à-dire on fait 6 épisodes et basta. On fait pas 10 millions de trucs. Pour le moment, hein, ça m'étonnerait pas qu'ils tombent exactement dans le même vice d'ici quelques années. J'espère pas, mais pour l'instant. Pour l'instant, je préfère cette stratégie de se concentrer sur un seul récit qui tient en 6 épisodes, ne rien développer derrière, plutôt que de te dire, regardez, c'est la nouvelle série Netflix qui va vous bouleverser la vie, ah bah finalement c'est annulé au bout d'une saison. Ah bah d'accord. Bon après, on nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit, hein. On souhaite quand même la mort à tous les dirigeants de Disney. Et on, surtout vu les récentes révélations autour de la politique sur les LGBT. Mais bon, voilà. Mais on souhaite la mort des dirigeants Disney, Netflix et Amazon. Hein, donc, comme ça, oui, voilà. Y a pas de jaloux, quoi. Et Tesla, Jeff, espère pas nous échapper. Si vous voulez une plateforme de streaming qu'on aime bien, il y a Shadows. Voilà, c'est ça. Voilà. Non, ils nous sponsorisent pas, mais on aimerait bien. Oui, ils peuvent. Clin d'œil. Ouais. Bon, on va fermer cette très longue parenthèse. D'accord. Ou t'as des choses à ajouter, tu peux, hein. Non, c'est bon. Je réfléchis à comment on va publier cet épisode-là en mentionnant Shadows, sans que ce soit trop putassier. Donc je compte sur nos gentils auditeurs pour faire « Hey, regardez, ils ont parlé de vous !» Clin d'œil. Clin d'œil. Non mais Shadows, c'est très très bien. Oui. Il y a plein de bonnes choses à se mettre sous la dent sur Shadows, ouais. Donc pour revenir à l'adaptation, Nathalie a dit que King et Joe Hill ont pu lire le scénario mais qu'ils n'y ont rien trouvé à redire, ce que les deux confirment en interview, même si visiblement Joe Hill a gentiment collaboré pour quelques dialogues, bénévolement. Et apparemment en fait, Nathalie est assez reconnaissant à King parce que les contrats que fait King pour ses adaptations, en réalité il a un certains pouvoirs de surveillance, mais dont il profite à peu près jamais, en fait. Oui, on l'avait déjà évoqué. En réalité, il vend les droits pour quasiment rien, oui. Mais un certain pouvoir de surveillance. À la production, Nathalie retrouve Steve Hoban, qui était déjà producteur sur Nothing, Splice et Hunter, et sur la série sans Nathalie cette fois-ci, Ginger Snaps, la série des Ginger Snaps. Il y a aussi Mark Smith, qui était producteur exécutif sur Hunter et dans l'équipe de production de Splice et Nothing. En gros, il travaille beaucoup avec Nathalie et Steve Hoban. Et les deux autres producteurs, c'est Jerry Miller et M. Riley, qui ont bossé entre autres sur des chefs-d'œuvre comme Bad Teacher, Lazarus Effect, et Holmes et Watson, qui est une horreur. Alors, je n'ai vu aucun de ces trois films-là. Il me semblait pas que Bad Teacher, c'était si nul que ça. Non, Bad Teacher, ça va, mais c'est quand même pas un chef-d'œuvre. C'est bien la comédie un peu burlesque avec Cameron Diaz. Ouais, j'aurais pas dit burlesque, mais oui, c'est ça. Non, je sais pas, je dis ça comme ça. Oui, non, mais c'est un peu sympa parce qu'il y a Cameron Diaz et qu'elle joue bien, il y a des trucs rigolos, mais c'est quand même pas un grand film, je trouve, Bad Teacher. Cameron Diaz, j'ai jamais compris, parce que c'est une actrice qui est vraiment douée, qui a un capital sympathie qui me semble énorme, et oui. qui a pas une carrière si énorme que ça. Ouais, c'est ça, elle a pas eu la carrière qu'elle méritait, je pense, elle non plus. Alors que vraiment, c'est vraiment une bonne actrice, quoi. Ouais. Après, peut-être que, je sais pas, des choix de carrière qui se sont tournés vers la comédie un peu con-con, qui du coup l'ont peut-être un peu plombée. Ouais, peut-être, ou alors que les essais qu'elle a fait pour aller dans d'autres genres n'ont pas marché, c'est possible ouais. aussi. Parce que même dans... Elle a joué avec Richard dans un Richard Kelly, c'est dans The oui, Box. Oui, dans The Box. Mais ça, par exemple, c'est un beat, The Box. Ouais, The mais Box, elle est très bien dedans. Oui. Mais bon, du coup, ça aide pas à lancer une carrière. C'est vrai. Après, tu me diras, Dwayne Johnson aussi, il a joué avec un Richard Kelly qui a un petit peu bidé hein, auprès du grand public. Oui, mais je pense qu'il avait d'autres licences lucratives à côté de ça, Dwayne Johnson. Oui. Il me semble même que c'est dans... C'est Southland Tales. C'est à partir de ce film-là qu'il se fait appeler Dwayne Johnson, qui ne se fait plus je appeler Je crois que c'est le premier film où il se fait appeler Dwayne Johnson, effectivement, ouais. Puis au passage, vous pouvez essayer de regarder la filmo de Richard Kelly, c'est plutôt pas ouais. mal. Moi, vous y passerez pas longtemps, il y en a que trois. Hein. Oui. Donc, J'en ai vu que deux, j'ai juste vu... Enfin, du coup, j'ai pas vu... J'ai juste vu Southland Tales et The Box. D'accord, c'est... Ah bah t'as pas vu son plus connu, en fait. Ah bah si, attends, bah si, Donnie Darko. Oui, bah oui. Bah je suis con, bah si, j'ai, oui, bah, aussi, du coup, j'ai vu les trois. Oui. Pourquoi Donnie Darko m'est sorti de la tête? Après, tu me diras, c'est le principe de Donnie Darko. Oui, c'est vrai. Enfin, pour revenir, du coup, ils ont aussi produit Holmes et Watson, qui est une adaptation de Sherlock Holmes, avec Will Ferrell et John C. Reilly. Ça me donne envie. Voilà. Lol. C'est horrible. À la limite, ça vaut pour deux minutes, parce que c'est Hugh Laurie qui joue Mycroft. Voilà. Donc il y a deux minutes de Hugh Laurie qui sont sympas, et puis sinon c'est nul. Ah, l'idée est sympa, oui, de le foutre lui dans le rôle de Mycroft. Même si, du coup, physiquement, il ressemble pas du tout au personnage décrit. Ouais. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Et Jimmy Miller, on le reverra parce qu'il est producteur exécutif sur Le Fléau. La nouvelle série ? Ouais. D'accord. Où Nathalie a donc aussi réalisé des épisodes. On va passer tout de suite au casting, et ça va pas prendre un temps énorme parce que la majorité sont pas méga connus. Il y en a même qu'un seul qui est connu. Ouais. Cal, il est joué par Avery Whitehead, dont c'est le seul rôle important, enfin un peu important à ce jour. Becky, elle est jouée par Laisla de Oliveira, qui joue Echo dans la saison 1 de Lock and Key. Donc ça a l'air d'être un rôle important, mais du coup, comme on a ni lu ni vu tous les deux, on n'arrive pas à resituer. Elle a un des rôles principaux dans un film que je ne connais pas qui s'appelle Guest of Honor, et sinon c'est surtout des rôles secondaires. Travis, qui est son petit ami qui est présent dans le film, alors qu'il est juste évoqué dans la nouvelle, ouais. Enfin son petit ami, son ex, dont elle est enceinte plutôt. Et le père du ouais. futur enfant. Est joué par Harry Gilbertson, qui était déjà actif depuis un moment, mais je n'ai rien vu d'autre avec lui. J'ai juste noté un film de Lee Whannell qui s'appelle Upgrade. Mais voilà, je ne le connais pas. Et il devrait être dans le prochain Nolan, donc on est content. Oui, Oppenheimer. Ouais, c'est ça. Bah pour le coup, le sujet du film peut être intéressant, après, à voir ce que Nolan va en faire. Mais... Ouais, oui, oui. Et connaissant Nolan, ça risque d'être un film qui va durer trois plombs et qui va être chiant, quoi. Oui, qui va t'ajouter des voyages dans le temps pour rendre ça sexy. Puis il y aura Hans Zimmer qui fera péter des bombes atomiques dans des amplis de guitare pour la musique. C'est vrai que Zimmer, la musique avec comme thème le nucléaire, ça risque de donner quelque chose de très bizarre. Non, en plus, je crois que ça a été annoncé, ce sera de nouveau le même compositeur que sur Tenet. Mais bon, la musique de Tenet était nulle à chier aussi, donc... Ah, Issam. Non mais t'es neutre. Oh pardon. L'enfant Tobin, avant de devenir vulgaire, est joué par Will Bouygi Jr., je sais pas comment ça se prononce, qui a joué dans une sitcom Disney Channel qui s'appelle Kankikiwaka. Voilà. D'accord. Mais je pense que c'est carrière, hein. Je pense que c'est bien mieux que l'ensemble de la filmographie de Christopher Nolan. Mais... Ah, pardon. Non, il y a Insomnia quand même. Le mec, il en met une couche. Ouais. Non, en vrai, Insomnia, c'est bien. J'aime beaucoup Following aussi. Following? C'est son tout premier film, Nolan. Ah, je l'ai pas vu. Qui est en noir et blanc. Ouais. C'est très chouette. Moi, j'aime bien Batman Begins. Et toi aussi, je crois. Bah, Batman Begins, en fait, je trouve qu'il y a des trucs chiants, il y a des trucs qui marchent. Mais toute la première partie, toute la formation avec Ra's al Ghul, je trouve ça très cliché et très chiant quand même. Il y a des scènes de Interstellar que je trouve magnifiques, mais l'ensemble du film me fait chier. Ouais, visuellement, il y a des trucs dans Interstellar, mais je trouve ça très convenu, très prétentieux. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre Il y a Inception que je trouve divertissant pour le coup. Oui. Memento. Memento, moi j'aime pas. Bah moi j'aime bien. C'est en Memento, j'ai l'impression qu'il repose vraiment juste sur son... En fait, c'est une enquête nulle avec une technique un peu putassière trouvée pour rendre ça intéressant. Un film à concept. Ouais, c'est ça, mais sorti de son concept, je le trouve très vite, Memento. Ouais, moi, j'aime bien. Après, je te cache pas que ma sympathie pour Edward Norton doit beaucoup jouer. Ah, mais j'aime beaucoup Edward Norton aussi. Hein, mais... Bah, Dark Knight, moi, j'aime bien. Toi, tu détestes. Je déteste pas, je trouve ça surfait, très surfait. Batman Rises, c'est une grosse daube. Pardon pour ceux qui aiment, hein, mais bon. Tenet, bah, c'est catastrophique. Et qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Comment il s'appelle son film sur la guerre là? Ah bah je l'ai pas vu. Dunkerque. Bah, Dunkerque. Voilà, hein, ça n'a aucun intérêt. Enfin, c'est là vraiment, il rajoute plein de trucs d'écriture nul à chier sur un film qui est déjà pas terrible. Enfin, c'est nul. Ah si, celui que j'aime bien, c'est comment il s'appelle? Ah, il y a Le Prestige aussi. Le Prestige, comment moi, j'aime le Prestige, beaucoup. Ça va, ouais. Le Prestige, je trouve que c'est vraiment un bon film. Mm. Donc, tu vois, finalement... Ouais. Finalement, c'est le nouveau Nolan qu'on aime pas. Ouais, enfin, il est nouveau depuis un moment, Nolan. Oui, bon, c'est pas faux, mais le problème, c'est qu'il est... Enfin, est-ce que ce qui... Cette parenthèse a trop duré, mais est-ce que ce qui nous énerve pas, c'est que le mec soit tellement idolâtré, alors que finalement, bah, c'est lambda, quoi. Ouais, et puis je trouve que lui-même, dans ses films, on sent le côté prétentieux du mec lui-même. Donc s'il n'était pas idolâtré, ça me poserait problème. C'est même pas que dans ses films, c'est lui-même quand il s'exprime. Oui, mais ça, à la limite, je peux me permettre de pas l'écouter. C'est pas faux. Non, mais voilà. Non, mais Tenet, quoi. J'en ai marre de Tenet. Tout le monde me parle de Tenet. Tenet, c'est quand même un film où le méchant, il veut détruire le monde parce qu'il va mourir et que du coup, il veut pas que le monde vive s'il meurt. Non, mais sérieusement, quoi. Ah, et puis pour le coup, j'aime bien Kenneth Branagh comme acteur, mais là, il est catastrophique dans Tenet. Hein. Mais je vais mourir, alors je veux pas que le monde y vive. Non mais... Même les méchants de James Bond sont moins débiles. Bon, bref. Fermons cette parenthèse. L'actrice qui joue la mère, c'est Rachel Wilson. Le personnage s'appelle Nathalie. J'ai été surpris parce qu'il n'y a aucun lien avec Patrick Wilson. J'ai vérifié, moi aussi. Elle est principalement active dans des seconds rôles à la télévision et il n'y a rien qui me paraissait très important. Et donc son mari, qui est le seul acteur connu en fait du casting, c'est Patrick Wilson. La grosse tête. Patrick Wilson, c'est l'acteur fétiche de James Wan déjà, puisqu'il est dans les Conjuring, les Insidious et les Aquaman. Enfin, le premier Aquaman et il revient dans le deuxième. Et dans ses autres rôles un peu marquants, il y a Watchmen, il joue le hibou. Et il est bien dedans. J'ai pas vu Bone Tomahawk, mais il paraît que c'est bien. Je ne l'ai pas vu non plus, alors je l'ai, mais je l'ai pas encore vu. Et il est dans les séries A Gifted Man et Fargo, je crois que c'est la première saison de Fargo où il est. Ouais, pas vu non plus. Je ne peux pas t'aider. En film très bien dans lequel il est dans Hard Candy, avec Elliot Page, qui est donc l'histoire d'une jeune fille qui piège un pédophile en ligne. Et qui va le torturer, enfin le séquestrer et le torturer. Ouais. Et c'est Wilson joue donc le rôle du pédophile et il est très très bien. Dans tout le film, t'as vraiment ce questionnement, est-ce qu'il l'est vraiment ou pas? Oui. Et c'est vraiment un film à voir. Pour les deux acteurs déjà. Ouais. C'est vraiment un film coup de poing. Ouais. C'est pas la peine de le préciser vu le sujet, mais évidemment c'est pas un film forcément très abordable pour tout public. Non, pas. Mais bon, après, Si vous écoutez le vidéoclub de Castle Rock, c'est que normalement vous regardez des films un peu pas abordables par tout le public. Oui, quoi. C'est pas faux, c'est pas faux. Normalement. Après, je dis ça, peut-être que vous êtes juste curieux, et dans ce cas-là, bienvenue. Mais voilà, Patrick Wilson, ouais, c'est la grosse tête d'affiche du film, alors que la production l'a pas mis en avant tant que ça. Non, pas tant que ça. Bah après, je sais pas si c'est un acteur qui est très connu en dehors justement des amateurs de cinéma un peu horrifique. C'est vraiment un bon acteur pourtant, je l'aime bien moi, Patrick Wilson. Mais... C'est un bon acteur, mais effectivement, il est jamais mis au premier plan ou quoi que ce soit. Après, la seule fois où il a des premiers rôles, ouais, c'est chez James Wan, quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon, quand t'as le premier rôle, c'est peut-être la seule fois, mais quand t'as le premier rôle dans les Insidious et Conjuring, sur un CV, ça fait tout de suite bien, quoi. C'est oui, mais bon, grosses entrées. Après, tu sais bien que le cinéma horrifique est moins bien perçu que voilà. Par rapport au tournage du film, ça se fait principalement en extérieur, dans un véritable champ dans l'Ontario, près de la ville de Stratford. Il y a eu des modifications numériques en fait pour rendre le champ encore plus touffu, pour effacer les routes que pouvait y avoir en fait dans le champ principalement. Mais Nathalie a essayé de les limiter autant que possible. Et apparemment, être naturellement dans le champ, c'était assez oppressant avec des très hautes herbes où on savait pas forcément où on allait. L'église par contre, elle a été construite, hein, on peut pas tout trouver sur place non plus. Ça serait quand même un drôle de hasard. Ah bah tiens, pile poil, une église et un bowling juste à côté. Le temps de tournage a été limité, une trentaine de jours seulement, et ça a été assez difficile, vu les conditions de tournage, allant jusqu'à provoquer, surtout de nuit, ça a été jusqu'à provoquer une crise d'hypothermie chez l'actrice principale lors du tournage de la scène d'accouchement, je crois. Bon, apparemment, il n'a pas fallu l'hospitaliser, mais voilà, ça a été un tournage fatigant. Ah, mais j'imagine bien, oui, en pleine nuit, en plus, dans la boue. Ouais. Avec de la pluie, tout ça. Je ne connais pas le budget, on a posé la question, le club Stephen King qui a interviewé Nathalie a posé la question sur le budget, et apparemment, Netflix fait des contrats qui interdisent aux réalisateurs de dévoiler le budget de leur film, ce que je trouve chelou. Quel bon déconne. Netflix ne communique pas beaucoup non plus sur les résultats. Sur leur site de leur film. Donc, Nathalie dit que ça a bien marché, mais sans donner plus de précision. Bon, bah Netflix sont des connards, hein, voilà. Et voilà, c'est ça. On l'a déjà dit, je crois. Toujours d'être rappelé. Est-ce qu'on en a à foutre de savoir le budget, quoi. C'est intéressant, justement. Pourquoi vous le cachez ? Le directeur photo, c'est Craig Robleski, qui est aussi actif sur Umbrella Academy, Fargo, la saison qui a été faite récemment de X-Files et Légion. Il fait un boulot qui est propre, même si je trouve que la photographie sonne régulièrement un peu trop numérique, en fait. On sent que ça a été retouché à la post-production, notamment à l'étalonnage, je pense. Bah surtout les passages de nuit. Ouais. C'est un type de photographie qui permet de donner quelque chose, effectivement, d'assez contrôlé, mais dont je suis pas fan. C'est aussi une photographie qu'on retrouve beaucoup dans les films de Spielberg, par exemple, ou de Michael Bay aussi. On sent que c'est des photographies très retravaillées. Et de Snyder aussi. Oui, aussi. Ça a une patte Zack Snyder, beaucoup. Ouais. À la limite, ce que je trouve intéressant dans la photo, c'est que des fois, on a l'impression que les personnages et le champ ne sont pas sur le même plan d'existence, qu'il y a un décalage qui se crée. Ah, mais du coup, est-ce que c'est volontaire ? Bah ça m'étonnerait pas que ça le soit, ouais, même dans les choix de grand angle, des fois. Je pense que ça, c'est pour participer au côté un peu étrange du champ. Ça, je pense que c'est volontaire. Et c'est plutôt intéressant, même si... l'ensemble combiné n'est pas forcément génial. Il y a même des moments où tu dis franchement c'est dégueulasse. J'irai pas jusque là, mais il y a des moments où je trouve pas ça top. Ouais. Il y a vraiment des moments dans... En fait c'est les passages de nuit, moi, qui me gênent. Tous les passages de jour sont jolis. Et les passages d'intérieur aussi, les quelques passages genre où les personnages sont dans l'église, je trouve ça très beau. Mais vraiment tout ce qui est éclairage, quand c'est la nuit ou quand ils sont vers la pierre, je trouve ça dégueulasse. Ouais, je vois ce que tu veux dire. La musique, elle est de Mark Corven, qui a aussi fait la musique de la série Chapelwaite, dont je sais pas si on parlera, étant donné qu'il y aura peut-être une deuxième saison, on verra bien si ça s'arrête avant d'être à la 18e. Et de The Terror, qui est une série aussi, du film Resident Evil, Bienvenue à Raccoon City, donc celui qui vient de sortir. Et bon, pour lui donner un peu plus de crédit, il a aussi fait la musique de The Witch et de The Lighthouse. D'accord. Et je pense qu'il est sur le prochain Roger Eggert aussi. The Terror, c'est une série télé qui pourrait te plaire. Alors déjà parce que c'est une saison, une histoire. Ouais. Alors j'ai pas vu la saison 2, je sais que la saison 2 se passe au Japon, il me semble. Mais la première, ça parle d'une excursion, d'un voyage d'un pays à l'autre, d'un bateau, à l'époque vraiment de la, où les explorateurs étaient bien vus et se baladaient partout dans le monde. Et c'était une expédition qui devait passer par le pôle Nord, et en fait ils se retrouvent coincés. Et donc bah, ils luttent contre la nature, et en même temps il se passe des phénomènes paranormaux autour de leur bateau avec des créatures bizarres qui surgissent. Et ça pourrait vraiment te plaire, parce que c'est une ambiance vraiment un petit peu à la Lovecraft, qui est vraiment très cool, et les acteurs sont très très bons. D'accord, bah pourquoi pas, j'ai déjà plein de séries à finir, ceci dit, tellement j'arrive pas à m'y mettre. Peut-être un jour, mais bon. Bon, globalement, c'est pas un compositeur dont je retiens beaucoup les BO, même s'il y a des choses intéressantes dans The Witch et The Lighthouse, et c'est un peu la même chose pour Dans les Hautes Herbes, d'autant plus que j'arrive pas à la trouver, elle a pas été éditée en dehors du film, alors que dans l'ensemble, Netflix fait des éditions de ses musiques, c'est un peu étrange. Là, à part les pistes qui impliquent des chœurs qui sont sympas, le reste m'a pas du tout marqué. Ouais. Ça fait le taf, ceci dit, mais voilà. C'est ça. Comme tu dis, ça fait le taf, et les musiques qui impliquent des chœurs, par contre, c'est celles qui mettent un petit peu de tension dans les moments où il en faut, et là, je trouve que ça recolle vraiment bien. Ouais. J'ai lu pas mal d'interviews de Nathalie par rapport au film, ça, il s'est beaucoup exprimé, et je trouve notamment une citation sur le fait qu'il fait surtout des films en huis clos, parce que bon, là, ça a beau se passer dans un champ, on peut estimer que c'est un huis clos. Oui, clairement. Et donc, il déclare à ce sujet « Il y a deux possibilités. » La réponse prétentieuse, c'est que j'ai grandi dans un immeuble de Toronto, une ville très froide, et que je passais beaucoup de temps chez moi. Les thèmes de l'isolement et du confinement font peut-être partie de mon paysage psychologique. J'essaie de me psychanalyser. La réponse moins prétentieuse, c'est que je fais mes films avec peu d'argent, et que je n'ai pas le choix de limiter les personnages et décors dans mes films. Il exprime quelques regrets au sujet du film, au sujet du fait en fait de ne pas avoir plus joué sur la dimension coupante de l'herbe, qui apparemment existait naturellement dans ce genre de champ, avec des herbes immenses, il y avait réellement un peu ça, et il trouvait ça intéressant, il aurait aimé le renforcer un peu. C'est évoqué dans le roman d'ailleurs, dans la nouvelle. Dans la nouvelle, ouais. Au fil des réécritures et du montage, il a supprimé pas mal d'éléments explicatifs pour que son film ait un aspect un peu surprenant et un peu mystérieux même à la fin. Il a envisagé de rester sur une fin négative comme dans la nouvelle, mais au final il a trouvé que c'était pas satisfaisant en cours d'écriture, c'est pour ça qu'il est passé à une fin plus positive que ne l'est celle de la nouvelle. Au niveau des concept artistes, il y a Amro Atia qui était déjà sur Splice et qui a fait des choses magnifiques sur Splice, Oleg Savitsky qui est aussi le production designer dans les Hautes Herbes, et le mangaka Shintaro Kago. Moi je le connaissais pas, Shintaro Kago. Moi je le connaissais uniquement de nom, parce qu'il est édité par les éditions IMO, IMHO, ouais. En France. Tu sais, qui édite du manga grand format, un petit peu comme ce que fait le Lézard Noir, en fait, au niveau du format. Ouais, oui, je vois. J'ai jamais rien lu de lui, mais c'est un auteur qui m'a toujours intéressé, parce qu'il a un style déjà horrifique, et qui semble assez proche de Junji Ito, au niveau des délires qu'il alimente. Ouais, c'est ce que je me suis dit en voyant un peu ses concept art et les couvertures de ses mangas. Il y a très peu, en fait, de ses mangas, par contre, édités en France, hein, parce que il a quand même une liste assez bien fournie et il doit y en avoir que 3 qui sont édités chez nous. Peut-être que ça va se faire au fur et à mesure. J'ai l'impression que c'est comme Junji Ito, par contre, c'est surtout des trucs courts, non? Ouais, c'est des trucs en un tome. Ouais. Très souvent. Le film est sorti le 4 octobre 2019 sur Netflix, après avoir été projeté au Fantastic Fest le 20 septembre dans une version visiblement plus courte d'une dizaine de minutes. King a dit être satisfait du film et surtout de ses qualités visuelles. Et Joe Hill l'a beaucoup aimé en le trouvant dérangeant et il a dit, alors c'était probablement pour la promo, hein, j'ai pas trouvé de choses plus récentes, qu'il le trouvait aussi effrayant qu'Hérédité. Oui, effectivement, c'est plutôt pour la promo. J'ai toujours pas vu Hérédité en plus. Donc Hérédité de Ari Aster. Ouais, c'est ça. Le réalisateur du très très bon Midsommar. Midsommar. Bah Hérédité, c'est pour moi, c'est au même niveau que Midsommar. Faut vraiment que je le voie. Les deux sont très très bons et le mec s'impose déjà comme un nouveau maître de l'horreur en seulement 2 films, quoi, c'est incroyable. Bah, Ari Aster, c'est clairement un réalisateur à suivre, hein, maintenant. Bah, comme Eggert, hein, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Le film, actuellement, il a 36% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, ce qui le place 25e sur tout ce qu'on a vu entre Firestarter sous l'emprise du feu et Les Démons du Maïs, le vieux, et 2,2 étoiles sur Allociné, ce qui le place 35e à égalité avec Kingdom Hospital, entre Les Démons du Maïs, celui de Borcher, et Dreamcatcher. Donc c'est pas très apprécié. On peut trouver, si ça vous intéresse, sur le site de Vincenzo Natali, pour dans les hautes herbes comme pour plusieurs autres de ses films, le scénario et le storyboard complet ainsi que pas mal de concept art. Et c'est vraiment intéressant à voir, surtout qu'il fait des storyboards pour le coup très très précis. Celui de Dans les hautes herbes, c'est 200 pages, et c'est 200 pages bien chargées. Celui de Splice, il fait 650 pages de storyboard. Et c'est vraiment fascinant. Et dans l'interview qu'il a donnée au club Stephen King, il demande si les lecteurs seraient intéressés par une nouvelle adaptation de L'année du loup-garou, donc à voir s'il est en train de bosser là-dessus. Pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'il pourrait faire avec ça ? Je ne sais pas, mais pourquoi pas ? Mais bon, peut-être mieux à adapter. Il peut, tant qu'il garde la réplique du film original sur les handicapés qui volent nos allocs. Oui. Moi, celle-là, je pense qu'il faut la reprendre. Et le loup-garou qui bute quelqu'un avec une batte de baseball aussi. Aussi, ouais. Je veux ça. Ça, c'est... je n'accepterai pas que ce soit supprimé. Voilà. Tobin ! Tout va bien ? Freddy ? Quoi ? C'est qui, Freddy ? Tobin ? T'es avec Freddy, là, tout de suite ? Ok. D'accord, alors... On va venir te retrouver. Tout ce que tu dois faire, c'est nous parler sans t'arrêter. Oui, mais on a déjà essayé de faire ça. Et ça a pas fonctionné ! On t'écoute, vas-y ! Oui. Oui, tu fais comme elle. Il était une fois un dénommé Max Mini. Je me souviens plus de la suite. Il a mis un autre truc sur son zizi. Et après, il a offert à sa copine un martini. C'est quoi un martini ? C'est une boisson alcoolisée. C'est toi, Travis ? C'est une histoire un peu cochonne. C'est pas pour les enfants. Donc voilà, c'est tout pour la production et nous allons pouvoir passer à nos avis. Je t'écoute. Dans Les Hautes Herbes, l'adaptation, c'était plutôt sympa. Tu dis que au niveau des notes, spectateurs et presse, c'est pas top. Moi, j'ai pas grand chose à reprocher au film. En fait, mon plus gros reproche, ça serait, comme je l'ai dit, tout ce qui est lumière et effets visuels dans les passages de nuit, qui sont un peu dégueulasses, je trouve. Et à la limite, le casting, qui est pas foufou, mis à part Wilson. Le reste du casting, bon, ils font le taf, mais ils sont loin d'être extraordinaires. À la limite, le gamin, je trouve, joue plutôt bien pour un gamin. Parce que justement, en général, c'est par là que ça pêche. Ouais, j'allais dire, la femme aussi, enfin la sœur, je trouve qu'elle s'en sort bien aussi. Ouais, tu vois, moi, il me... C'est pas qu'ils sont mauvais, hein, c'est qu'ils ne me transcendent pas. Oui, non, pareil, j'ai pas été transcendé, mais voilà. Ça va. C'est, disons qu'ils ont pas l'air d'avoir des débuts de carrière extraordinaires, mais je comprends. Ouais, après, c'est peut-être aussi qu'ils ont pas eu les choses qu'il faut pour dévoiler tout leur talent. Mais sinon, mis à part ça, la réalisation est vraiment cool. Ouais. J'aime beaucoup, vraiment, quand on se balade dans le champ, tous les mouvements de caméra qui sont à l'intérieur du champ, et... J'avais dit que la narration dans la nouvelle était top, le fait de passer d'un personnage à l'autre de manière fluide, et c'est exactement pareil dans le film. C'est ultra bien maîtrisé, comment on passe d'un personnage à un autre, d'une temporalité à un autre, et oui. Une autre aussi, parce qu'il y a un délire de retour dans le temps, il y a un délire temporel dans le film, oui. Qu'il n'y a pas dans la nouvelle. Et qu'il y a dans Cube 2. Hein ? Qu'il y a dans Cube 2. Oui, ce n'est pas de Nathalie, mais... Voilà. Mais Nathalie le fait vraiment très très bien, alors que c'est pas toujours évident de faire des transitions temporelles dans les films. Ouais. Et là, il l'amène de manière très très fluide. Et ça prouve que c'est vraiment un bon réalisateur, quoi. Oui, et puis il l'utilise sans trop chercher à l'expliquer, sans chercher à jouer justement sur le côté paradoxe temporel, à faire un truc ultra creusé autour de ça. Il l'utilise comme une technique, comme quelque chose pour égarer. Mais sans nous faire tout un propos dessus, ce que j'aime bien dans l'ensemble. Oui, c'est ça. Tu as traité de ça. Mmh. Oui, c'est vrai que beaucoup de films qui traitent de retour dans le temps essayent de te caser des explications scientifiques sur les soucis temporels que ça peut créer. Ouais. Lui, il en a rien à foutre. Et tant mieux, oui. Puisque nous aussi, on en a rien à foutre, en fait. Ouais, voilà, c'est ça, on n'est pas là pour ça. Voilà. C'est un truc que beaucoup de films de science-fiction ne comprennent pas, en fait. Je suis pas là pour lire une théorie scientifique, les gars. Bah, surtout que la théorie scientifique, dans l'ensemble, ne marche pas. Donc, si c'est pour faire un truc qui est bancal et qui nous dit juste « Bon, on sait pas, les gars, bah, autant voilà, rien c'est faire. » Donc, bon. Donc, la réalisation est vraiment cool. Tout ce qui est, ouais, comme je disais, tout ce qui est cadrage dans les hautes herbes et tout, alors que ça ne devait pas être évident, en plus. Bah, apparemment, ouais, ça a été assez compliqué. Et c'est vrai que l'aspect huis clos est ultra bien maîtrisé. Alors que oui, on est en extérieur, très souvent on est en pleine journée. Ouais. Mais le fait d'être entouré d'herbe, donc du coup on a la lumière du soleil un petit peu cachée, tout ça vraiment fait monter une petite tension, mais dès le début. Alors que pour l'instant, au début, il rentre juste dans le champ pour essayer de choper de trouver le gamin. Mais dès le début, on comprend qu'il se passe quelque chose de pas normal dans ce champ. Et dès le début, on est happé par cette tension. Et puis pour le coup, on ne voit pas le ciel dans le champ. Les herbes sont vraiment très très hautes, plus hautes que tous les personnages, ouais. Donc on ne voit vraiment pas le ciel, ce qui participe aussi à l'aspect étouffant. On se dit que c'est pas normal, en fait, des herbes comme ça. C'est ça, les seuls moments où ils voient du ciel, c'est quand ils arrivent dans une espèce de petite clairière ouais. Où là, t'as du ciel. Et tu parles que les herbes sont plus hautes que les personnages. Il y a une scène qui est très très bien maîtrisée dans le film. C'est la scène où le frère et la sœur se disent qu'ils vont sauter sur place oui. Pour repérer à quelle distance ils sont. Ouais. Donc ils font un premier saut, où ils voient qu'ils sont pas très très loin, ils doivent être à 3 mètres l'un de l'autre, au bas mot. Après ils refont un saut, et là, alors qu'ils ont pas bougé ni l'un ni l'autre, tout d'un coup ils sont à 20 mètres de distance, oui. Et à ce moment-là, t'as une espèce de son très sourd qui arrive, et elle tombe à la renverse, et bah, c'est le moment où le fantastique arrive, que tu te le prends dans la gueule, ouais, et tu comprends confirmé, ouais. Voilà, qu'il est confirmé. Et rien que cette toute petite scène, vraiment toute petite, c'est là, tu comprends que t'es en face d'un réalisateur, mmh. Pas d'un mec qui est là juste parce qu'on lui a dit d'être là et de tenir une caméra. Non, le mec il a une vision. Il y a aussi, alors il sert pas à grand chose au final, mais il est beau le plan qui commence dans une goutte d'eau, où tu vois le champ à travers une goutte d'eau, après ça dézoome, tu vois que c'est une goutte d'eau et ça recadre sur les personnages, ouais. Et il provoque un égarement assez intéressant comme plan. En fait, il y a plein de trucs dans la réalisation qui vont souligner que géographiquement ça va pas dans ce champ, qu'il y a rien qui fonctionne normalement. C'est d'ailleurs l'esthétique de l'affiche du film. Je sais pas si tu l'as vu, l'affiche oui, du film. Oui, effectivement, ouais. Parce que l'affiche du film, en fait, c'est renversé. Mm-hmm. Mais vu que les herbes sont tellement hautes et que bah le sommet de l'herbe fait une courbure, donc t'as l'impression qu'en fait c'est le bas. Enfin, t'as l'impression que c'est juste c'est courbé en bas, mais comme si c'était des pattes. Enfin, ouais. Je sais pas comment expliquer ça. Mais dès le début, en fait, c'est pensé pour te perturber. Et il y a aussi un excellent travail sur le son. Parce que quand oui. Les personnages s'appellent entre eux, bah, en fait, ça va faire des effets de t'es proche, t'es loin, mais sur le même mot. Oui. En fait, c'est comme si là, oui, voilà, ça fait des effets comme ouais. Ça. Il y a une spatialisation ouais. Dans du son dans l'espace qui est ultra bien rendu. Et justement, en fait, quand ça faisait partie de mon questionnement avant de lancer le film, comment ils ont fait ça? Et en fait, ils l'ont fait à la perfection. Parce que ça fait partie des trucs que tu perçois au tout début. Ouais. Tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche, mais tu sais pas pourquoi. Oui, t'arrives pas tout de suite à l'identifier. Parce que c'est à la fois. Bah c'est à la fois normal, parce que c'est une voix que t'entends, mais c'est pas normal, parce que ça bouge. Ouais, elle vient pas normalement, ouais. Alors que ça devrait pas bouger. Mm-hmm. Ah, et au début, tu comprends pas pourquoi. Et du coup, ça participe, comme on vient de le dire, à te perturber et à faire en sorte que bah, tu sais plus où tu te trouves dans ce putain de champ, quoi. Donc tout ce qui est travail sur l'aspect perdition, en fait, de ta propre psychologie et de celle des personnages, surtout, est vachement bien réussi. Ça, bah, les nouvelles règles que ça introduit autour du voyage dans le temps sont bien utilisées. Ça utilise bien aussi la règle du fait que le champ ne fait pas bouger ce qui est mort, oui. Qui est utilisé notamment autour du chien, oui. Ce genre de choses qui peuvent servir de point de rendez-vous. Donc je trouve que ça pense bien. Ce qui est rigolo, c'est qu'au final, C'est pas du style le premier tiers ou la première moitié du film adapte la nouvelle et après c'est l'inédit. Au final, il y a des bouts qui adaptent la nouvelle jusqu'à très tard, parce que la scène de l'accouchement compliqué et du fœtus mangé, elle arrive très tard dans le film. Oh, c'est ce qui conclut la nouvelle. Bah, c'est pas tout à fait ce qui conclut le film, parce qu'après, il s'échappe dans le film. Mais ça vient très tard, en tout cas. C'est juste qu'au milieu de ça, ça rajoute pas mal de trucs. Bah, à partir du moment où, en fait, il y a le personnage de Travis qui arrive, dans la nouvelle, il est juste évoqué rapidement. Ouais. Tandis que là, dans le film, on comprend que des semaines après que le frère et la sœur aient disparu, il vient les chercher, et il va quand même se retrouver dans la même temporalité qu'eux. Oui, parce qu'il leur dit qu'ils ont disparu depuis 2 mois. Ouais. Ils sont partis à San Diego, ça fait 2 mois. Ils n'ont pas donné de nouvelles. Et du coup, c'est lui, par contre, qui voit le sandwich à moitié mangé et plein de verre. Oui, alors que c'est le frère qui le voit dans la nouvelle. Ouais. Des petites modifications, mais c'est des modifications logiques, qui ne perturbent pas la compréhension du récit. Oui, c'est ça, pour le coup, ça mêle vraiment bien les nouveaux éléments et les anciens, de manière nécessaire pour faire quelque chose qui dure le temps d'un long métrage, de toute façon. Mais c'est ça que j'aime beaucoup dans le film, en fait, c'est que c'est les bonnes nouvelles que Nathalie Fou, c'est des bonnes... les bonnes nouvelles. Les bonnes idées que Nathalie Fou dans son film, c'est des idées qu'en fait King et Hill n'ont pas eues. Oui. Genre, justement, utiliser le cadavre en disant le chant ne fait pas bouger les cadavres, enfin ce qui est mort, donc gamin reste près du cadavre du chien. Et comme ça, tu continues à parler et nous on se rapproche oui. au fur et à mesure de toi. Et ça, il n'y a pas dans le roman. Cette utilisation. Oui, alors que c'est vraiment une bonne idée. Et c'est une putain d'idée. Et c'est étonnant que King et Hill ne l'aient pas eu au final, cette idée pour se rapprocher. Mm-hmm. Moi, c'était peut-être parce qu'ils faisaient un truc court, que ça leur est pas venu en tête, oui. qu'ils ont pas pu la développer. Tandis que là, effectivement, ça a sa place. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous avez qu'à venir voir. La roche est sculptée. Ça a l'air très ancien. C'est amérindien ? Je pense qu'on peut facilement dire que ce rocher était là avant que les Kiowa chassent dans le Sèche Cuestas. Il est plus vieux que ces collines. Il était sûrement déjà là avant que les glaciers fondent et emportent les collines. Vous vous rendez compte qu'on est au centre des États contigus des États-Unis d'Amérique. Nous sommes pile au centre de notre continent. Oh, je serais prêt à affirmer que ce rocher se trouve au centre du centre. On n'est pas venu ici pour une visite touristique. Vous deviez nous conduire jusqu'à la sortie. Oh, mais très cher, c'est ce que j'ai fait. Vous n'avez qu'à regarder. Est-ce qu'il y a une carte ou quelque chose gravé là-dessus ? Pose ta main sur le rocher et tu sauras. Vous pourriez être plus clair ? Non, faites pas ça ! Il y a des imageries chouettes aussi, notamment quand on nous montre ce qu'il y a sous la pierre. Oui. Avec, on voit que la pierre, en fait, t'as une espèce de racine bizarre sous la pierre, avec des gens morts, des espèces de morts vivants qui essayent de grimper et de sortir de terre. Ouais. Mais ouais, c'est... la scène, justement, du fœtus, je trouve qu'elle marche bien parce qu'elle n'est pas trop démonstrative. Finalement, elle ne montre pas grand-chose, ça laisse beaucoup à l'imagination. Mm. Donc je trouve que ça marche bien. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé. Si, puis c'est foncièrement dégueulasse. Oui, oui aussi, oui. Tu sens bien que c'est un truc dégueulasse qui est en train de se passer, mais tu mets pas tout de suite le doigt sur quoi, parce que t'es un peu du point de vue de la fille, donc elle est un peu dans les vapes à ce moment-là. Elle a du mal à se rendre compte de ce qui est en train de se passer autour d'elle. Et heureusement que c'est Nathalie qui réalise le film, parce que un autre réalisateur aurait pas osé le faire. Oui, aurait pas voulu que la scène y soit, tu veux dire. Oui, voilà. Ouais. Parce que Nathalie, bon, le glauque et tout, bon, avec Splice, il nous a montré qu'il s'en fout. Oui, voilà, c'est ça. Un autre réalisateur un peu plus... un peu moins centré sur la trachouille et sur la glauquitude, on aurait peut-être dit, bon, ça, je le zappe, quoi. Ou alors, on le fait vraiment en contre-champ. Oui. Bah après, pour le coup, il en parlait en interview justement de cette scène-là, Nathalie, et il disait qu'il aurait pas accepté de faire le film si elle y était pas, parce que pour lui, ça servait à rien de zapper un truc comme ça, où là, il fallait oser faire les choses. Oui, clairement. Mais donc voilà, dans Les Hautes Herbes, c'était pas un film extraordinaire non plus. Hein. Mm-hmm. Vous faites pas dire ce qu'on a pas dit. Mais c'est pas le si mauvais film que beaucoup semblent dire. Je comprends pas pourquoi tout le monde semble dire que c'est pas terrible. Ouais. Alors que finalement, et pourtant on n'est pas les premiers pour ne pas dire du mal de Netflix. Hein. Oui. Mais non, quand ils font des bons. Quand ils produisent des bonnes choses, il faut le dire aussi, quoi. Ça arrive, hein, de temps en temps. Ah bah, une horloge qui fonctionne plus donnera cassée, toujours ouais. L'heure correctement deux fois par jour. Effectivement. Voilà. Effectivement. Patrick Wilson est très bien dans ce oui, jeu très bien. Ça, oui, c'est vrai qu'on l'a pas énuméré. Mais oui, bah après, comme d'habitude avec Patrick Wilson. Ouais, c'est ça. Il fait le taf. Il fait bien le père de famille qui a pété une durite. Oui. Tandis que d'habitude, il joue plutôt les pères de famille à protecteur. Peu près normaux. Mais là, voilà. C'est ça, qui cherche à protéger sa famille. Là, voilà. Le pauvre toutou. Quoi. C'est un type de protection spéciale, on va dire. Bah, il tue les gens, quoi. C'est pas vraiment les protéger, ça, Issam. C'est une question de définition. Autour de la pierre, je trouve que bah, le décor est bien, et là, ça entretient bien le mystère. On sent un côté un peu mystique, sans savoir trop mettre le doigt dessus. Ouais. Il y a un peu plus de... Parce que dans la nouvelle, on sait qu'il y a juste des gravures de personnages qui dansent. Ouais. Alors que là, on nous fait comprendre que y a un rite autour d'accouchement et de sacrifice d'enfants sur la pierre aussi, puisqu'il y a des gravures il y a des gravures qui représentent un accouchement et potentiellement un sacrifice d'enfants. Oui, effectivement, ouais. Sachant qu'on peut se demander si c'est un rite ou si c'est une sorte de prédiction de ce qui va arriver à la fille. Oui, parce que du coup, la pierre la jouerait ouais. Un rôle à jouer dans le voyage dans le temps. Ouais. Ça traite bien autour du personnage de Travis, de cette idée de nécessité de toucher la pierre pour comprendre comment fonctionne le champ, mais en même temps ça conduit à la folie et ça empêche de quitter le champ, enfin tout ça est vraiment, vraiment bien développé. Mais voilà, tu vois, on n'a pas toutes les réponses, mais il y a un petit peu plus de choses développées autour de cette pierre et de l'aspect mystique autour de tout ça que dans la nouvelle. Ouais. Il y a aussi des apparitions d'hommes herbes oui. dans le film. Alors on ne sait pas si c'est un délire, de Becky ou si c'est vraiment des créatures qui existent. Puis il y a les espèces d'accouchements d'herbes, tous les trucs un peu glauques qu'on voit dans l'herbe, oui. qui deviennent une sorte de chair. Enfin, c'est vraiment intéressant. Bah, c'est comme le passage où Cal touche la pierre. Après, on a une vision dans son corps et on voit qu'il y a de l'herbe qui commence à pousser en lui, ça. Qui commence à enserrer son cœur et ses organes. C'est des choses intéressantes, ça aussi. Ça, c'est pas trop mal fait, ça, encore visuellement. Ouais. Donc voilà, ça développe un peu plus le mysticisme autour de la pierre. Ça donne pas plus d'infos que ça, mais rien que ce petit bout en plus, moi, ça me plaît bien. Oui, t'es un peu plus alimenté que dans la nouvelle, ça, on peut pas le retirer. Ouais. C'est ça. Parce que c'est pas des réponses que je demande en fait, c'est juste que ça soit un peu plus développé. Ouais, qu'il y ait un univers. Voilà. Très bien, bon, on va pouvoir passer à une petite scène. C'est parti. Nous allons donc vous lire un extrait plutôt vers la fin de la nouvelle. Becky a déjà accouché et était dans les vapes suite à ça. Vous allez voir donc ce qui se passe, même si on en a déjà un peu parlé. La traduction est de Hélène Colon. Voilà, ça te fait rien. Avec deux L. Voilà, comme l'anatomie, mais ça s'écrit pas pareil. Voilà, c'est ça. Pour reprendre une citation de notre ami John Caffey. Mm. Alors, il faut préciser qu'une fois n'est pas coutume... Normalement, c'est moi qui aurais dû lire l'extrait, vu que c'est moi qui ai tiré dans les hautes herbes. Mais ayant la voix un petit peu cassée à cause de ce rhume de merde, et ayant des quintes de toux régulières, c'est Issam qui fera la lecture sur cet épisode-là. Voilà, à charge de revanche. Pourquoi, c'était déjà arrivé ? Non. Très bien, c'est parti. Plus tard dans la matinée, elle ouvrit les yeux. Son frère tenait dans une main une jambe de poupée souillée par la boue. Il regarda Becky d'un air fasciné, stupide et enjoué, tout en continuant à mâcher. La jambe de poupée, dodue et potelée, était un peu petite et d'un bleu étrangement pâle qui rappelait presque la couleur du lait congelé. « Mais enfin, Cal, le plastique, ça ne se mange pas », eut-elle envie de dire. Mais c'était trop fatigant. Le petit garçon était assis derrière Cal. Tourné de profit, il léchait ses paumes où était étalée de la gelée de framboise, semblait-il. Une odeur piquante planait dans l'air, comme si on venait d'ouvrir une conserve de poisson. L'estomac de Becky se mit à gargouiller, mais elle était trop faible pour s'asseoir, pour dire quoi que ce soit. Dès qu'elle reposa la tête par terre et ferma les yeux, elle sombra dans le sommeil. Cette fois, il n'y eut pas de rêve. Quelque part, un chien aboyait. « Roup, roup !» Des coups de marteau retentirent et Becky revient à elle. Elle avait les lèvres desséchées et souffrait à nouveau de la soif. De la faim aussi. Elle avait l'impression qu'on lui avait donné des dizaines de coups de pied dans le ventre. « Cal !» murmura-t-elle. « Cal !»« Il faut que tu manges !» dit-il en plaçant un lambeau froid et salé dans la bouche de sa sœur. Il avait du sang sur les doigts. Moins délirante, Becky se serait étranglée d'horreur, mais ce lambeau était savoureux, avec un petit goût sucré-salé et une texture de sardine à l'huile. Même l'odeur était un peu similaire. Elle le têta comme elle avait têté le t-shirt détrempé. Cal eut un hoquet. Becky aspira le morceau entier comme un spaghetti et l'avala. L'arrière-goût était un peu désagréable, aigre-doux, mais en fin de compte, ce n'était pas mauvais. Ça faisait un peu le même effet que le sel au bord du verre après une gorgée de margarita. Quant au hoquet de Cal, on aurait presque dit un gloussement. « Donne-lui un autre morceau !» dit le petit garçon en se penchant par-dessus l'épaule de Cal. Cal s'exécuta. « Miam ! Allez hop, avale ! Voilà une bonne petite fille !» Becky déglutit et referma les yeux. Quand elle reprit conscience, elle était pliée en deux sur l'épaule de Cal et en mouvement. Sa tête ballottée et son estomac se soulevaient à chaque fois. « Est-ce qu'on a mangé ? » chuchota-t-elle. « Oui. Qu'est-ce qu'on a mangé ? » « Quelque chose de délicieux !»« Cal, qu'est-ce qu'on a mangé ?» Au lieu de répondre, il se contenta d'écarter les herbes parsemées de gouttelettes rouges foncées. Ils pénétrèrent dans une clairière. Au centre, une très grosse pierre noire. À côté, un enfant. « Ah, te voilà !» songea-t-elle. « Je t'ai couru après dans tout le quartier. » Mais non, ce qu'elle avait cherché, c'était une petite fille, pas une pierre. On ne courait pas après une pierre. Une petite fille, ma petite fille, dont j'avais la charte. « Qu'est-ce qu'on a mangé ?» Elle bourra son frère de coups de poing, mais elle était faible, si faible. « C'est pas vrai, dis-moi que c'est pas vrai !» Il la posa par terre et la regarda, d'abord avec surprise, puis avec amusement. « Pourquoi ? Qu'est-ce que c'était, à ton avis ?» Il se tourna vers le petit garçon. Celui-ci souriait en secouant la tête, comme quand quelqu'un fait une énorme gaffe. Une gaffe à mourir de rire. « Bec, ma grande, on a juste mangé de l'herbe. De l'herbe, des graines, tout ça. Les vaches le font bien. » « Il y avait un vieux bouseux du Maine, » fredonna le petit garçon avant de plaquer ses mains sur sa bouche pour réprimer ses gloussements. Il avait les doigts tout rouges. « Je ne te crois pas, » dit Becky. Mais sa voix était presque inaudible. Elle regardait le rocher. Des petits personnages dansant étaient ciselés sur toute sa surface. De fait, dans la lumière du jour naissant, ils paraissaient danser pour de vrai et décrire des spirales ascendantes, comme la rayure qui s'enroule autour des sucres d'orge. « Sincèrement, Beck, c'est bon, le bébé est en lieu sûr. Touche la pierre, tu verras, tu vas tout comprendre. Touche la pierre et pour toi ce sera la... » Il consulta le garçon du regard. « La rédemption !» s'exclama Tobin. Tous deux éclatèrent de rire. « Les deux font la paire, » songea Becky. Elle s'approcha de la pierre, tendit la main, puis la retira. Non, ce qu'elle avait mangé n'avait pas un goût d'herbe, ça ressemblait plutôt à une sardine ou à une gorgée de margarita aigre-doux à cause du sel sur la langue. Ou alors à... Moi, comme si je léchais ma propre sueur sous mon aisselle, ou bien... Elle poussa un hurlement. Elle voulut se détourner, mais Cal la retint par un bras et Tobin par l'autre. Elle aurait au moins dû être capable d'échapper au petit garçon, mais elle était trop faible. Et puis il y avait la pierre aussi exerçait une traction sur elle. « Touche-la, » murmura Cal, « tu ne seras plus triste. Tu verras que la petite Justine est saine et sauve. Et même bien plus que ça, elle appartient aux éléments maintenant. Elle est flue. » « Oui, renchéra Tobin, touche la pierre et tu verras. Tu ne seras plus perdu ici, tu comprendras enfin l'herbe. Tu feras partie d'elle, comme Justine. » Ils l'escortèrent jusqu'à la pierre, qui bourdonnait avec ardeur. Ardeur et gaieté. Une lueur merveilleuse émanait de ses profondeurs. À l'extérieur, les petits hommes et les petites femmes réduits à leurs plus simples expressions dansaient en levant haut leurs bras rudimentaires. On entendait de la musique. Becky songea, toute chair et herbe. Elle prit la pierre dans ses bras. Voilà donc maintenant la même scène dans le film. Le bébé, mon bébé, le bébé. Ça va aller. Mon bébé. Attends, là. Doucement, pas trop vite. Tu vas être malade. Laisse-moi regarder. Ça va aller. Mon bébé. Il est arrivé. Il est arrivé. Il est là. Il est là. Elle est belle, non ? Elle vient de sortir. C'est la perfection même. C'est toi, la Vierge Marie. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre les rois mages. Quel cadeau vont-ils nous apporter ? Il était une fois un fermier de l'état du Maine qui avait avalé un sac rempli de graines. D'énormes touffes d'herbe sortaient de ses fesses et sur ses couilles poussait une herbe drue et obscène. Cal. De l'herbe ? Rien que cela. Et des graines, et tout le reste. C'est ce que mangent les vaches. Encore un morceau. C'est bon pour toi. C'est bon pour ton âme. C'est bien. Tu as tout mangé? Oui. C'est bien, ma fille. Sale goût de... De quoi? De... Toi. Très bien, donc déjà pour resituer un peu... Là, c'est vraiment la quasi-fin de la nouvelle, il reste après une conclusion qui va suivre un autre groupe de personnages qui vont s'égarer dans le même champ, mais c'est la dernière fois qu'on voit les personnages de Cal, Tobin et Becky. Par contre, dans le film, ça se prolonge un peu après pour mener vers une autre fin. Ouais, et puis surtout, dans le film, il n'y a que Cal qui a pété une durite et qui a touché la pierre. Oui. Alors que dans le... Enfin... Sachant que cette scène-là, dans le film, à la fin, tu découvres que c'est le visage de Ross. Comment ça ? À la toute fin de la scène de... où elle... Où ah oui, ouais, oui, tu découvres que c'est Ross. Mais du coup, tu peux avoir le doute. Est-ce que c'est elle qui délire et qui imagine Ross, les deux qui se sont fusionnés, ou alors est-ce que c'est elle qui voyait Cal alors que c'était Ross depuis le début ? Tu peux avoir le doute. Alors que vraiment, dans la nouvelle, c'est son frère et le petit garçon. Ouais. Qui ont tous pété. En fait, tout le monde pète une durite dans le... Oui, parce que tout le monde finit par embrasser la pierre, au final. Tandis que dans le film, t'as un doute à un moment sur le petit garçon, mais globalement, il n'y a que Ross et Travis, dont on est absolument sûr qu'ils l'ont touché. C'est ça. Pourquoi aborder cette scène ? Parce que déjà, elle est une longitude incroyable, déjà. Parce que c'est le climax de la nouvelle. Ouais. Parce que tu peux pas aller... En termes d'horreur, tu peux pas aller au-delà. Au bout d'un moment, quand tu fais bouffer le fœtus... tu fais bouffer le fœtus de son enfant à une femme enceinte, tu peux pas aller au-dessus niveau horreur dans un récit avec une femme enceinte. Tout du moins. Puis ça nous apprend des trucs comme le fait qu'un fœtus, ça a plus ou moins le goût de sardine. Oui, voilà, c'est ça. Vous y songerez la prochaine fois que vous entendrez à qu'est-ce qu'on essaierait au fond de cette boîte. C'est ça. Ça me donnerait presque envie de bouffer un enfant, moi. Mmh. Moi aussi. Voilà. D'ailleurs, on va arrêter cet épisode-là. Voilà. Et on va aller voir dans la rue ce qui traîne. Voilà, ce qui traîne, c'est le mot. Les deux scènes sont cool. L'une est très bien écrite, l'autre est très bien réalisée. Moi, encore une fois, il y a cet aspect visuel de la nuit qui me dérange dans le film. Parce que vraiment, je trouve que l'effet est dégueulasse. L'effet fait vraiment nuit américaine ratée, en fait, je trouve. J'aurais pas dit nuit américaine, ça fait plus numérique qu'une nuit américaine, mais je vois ce que tu veux dire. C'est un effet que je trouve dégueulasse, que ce soit chez Snyder, on l'a évoqué précédemment. C'est une lumière qui m'évoque Sucker Punch. Bah, c'est une lumière qui a tendance à sursouligner les ombres, en fait. Ouais, elle est un peu étrange. Les potards sont poussés à fond, au niveau de l'éclairage, ouais. Le noir est à donf. Du coup, les visages sont éclairés alors que normalement ils ne devraient pas. Ouais. T'as de la lumière qui surgit de là où c'est pas logique qu'il y ait de la lumière. Enfin, c'est très bizarre. Et puis, moi je trouve que ça rend pas beau. Alors, après, c'est mon avis personnel, hein, bien entendu. Après, là tu vois au moins une scène un peu cool. C'est pas des gamines d'à peine 18 ans qui dansent en mini-jupe. Hein. Toujours ça de prix par rapport à Sucker Punch. Alors, on a déjà. Casser les genoux à Christopher Nolan tout à l'heure. On cassera les genoux à Zack Snyder une prochaine fois. Bah je regarderai le Snyder Cut d'ici là. Voilà, on lui cassera les genoux une prochaine fois. Voilà. Je pense que nos auditeurs vont vraiment nous prendre pour des gros créateurs au bout d'un moment, c'est incroyable. Mais ouais, la scène reste intéressante. Pour le coup, visuellement, il y a quand même un effet que j'aime vraiment bien dans la version film. C'est cet effet assez simple en soi des gouttes de sang qui tombent dans de l'eau et qui pour le coup créent des jolies volutes. Je trouve toujours ça joli, ce genre de plan. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Mais ouais, c'est peut-être la scène où celui qui joue Cal joue le mieux au final. Bah, pour le coup, la folie, il la joue bien. Ouais, ça ouais, tandis que c'est vrai qu'il est un peu transparent sinon en dehors, lui. Oui. Un peu le souci. Ce qui est intéressant, c'est que dans la version film, pour le coup, ils ont une relation plus malsaine, Cal et Becky, de base, qui est assez soulignée. Cal apprécie beaucoup trop sa sœur, en tout cas. Un petit peu incestueux, quoi. Ouais, voilà, c'est un... Un petit peu comme un frère dans un très mauvais manga. Voilà. Oui, ou dans Game of Thrones. Hein, mais... Ou dans Game of Thrones, mais bon. Parce que Game of Thrones est quand même bien mieux écrit que les mangas où ce genre de choses se produit. Oui, je dirais pas ça de tous les tomes de Game of Thrones dans les livres. Mais oui, effectivement, c'est un truc de mauvais manga aussi. Mais par contre, ça apporte quelque chose pour le film. Bah oui, parce que ça, c'est ça qui va mettre vraiment le chaos dans la relation avec Travis, finalement. Et voilà, c'est que ça apporte une vraie dualité avec Travis qui, lui, pour le coup, vient vraiment pour aider. Oui. Il a aucune pensée négative pour le fait d'intervenir. Oui, il a un parcours de rédemption au long du film. Bon, il a fait des conneries par le passé, visiblement. Il a fait des conneries. Dans sa relation avec Becky. Dans sa relation, parce qu'il n'est pas sûr de lui, à être père, quoi que ce soit. Voilà, il la laisse tomber un peu pour ça, quoi. Donc le travail de rédemption est bien amené. Et du coup, il y a cette dualité avec Cal, où à un moment, Cal volontairement le laisse tomber du toit du bowling. Parce qu'il y a un moment, il lui donne même une poussée. Hein. Oui, limite. À un moment, ils arrivent à sortir du champ, ils vont se réfugier dans le bowling d'à côté, mais Wilson les poursuit, parce que lui, il déterre, hein, il s'en fout. Et ils y trouvent Jésus, et ça devient un film des frères Cohen. Voilà. Ils y trouvent un mec... Avec un mec qui dit « Oh, les hautes herbes, on peut les fumer !» Et puis, ils croisent un mec, on lui a pissé sur son tapis, donc il est pas content. Ouais, voilà, c'est ça. Ne parle pas de gens qui fument les hautes herbes, parce que c'est comme ça que termine la nouvelle, quand même. Oui. Oui, avec des. Oui, c'est vrai qu'elle finit avec des junkies. Hein. Avec des junkies qui viennent. On va tous aller voir là-dedans et faire le barbecue, là. Ben, eux, ils ont une solution, ils ont qu'à aller fumer les hautes herbes. On va faire la pire roussel dans les hautes herbes. Tu vois, eux, ils fument tout et puis ils s'en foutent. Peut-être que ça marche, qui sait. D'ailleurs, il y a ce passage-là dans la nouvelle où Cal se dit Bah, nique Saras, en fait, je vais foutre le feu au champ. Et ça marche pas. Ouais. Le pire, c'est que je pense que même naturellement, en réalité, ça peut ne pas marcher sur un champ mouillé. Ah bah sur un champ mouillé, t'as zéro chance. Très difficile à incendier ces machins-là. Ah oui, je pense que t'as zéro chance pour que ça fonctionne. Surtout des hautes herbes comme ça, un peu. À mon avis, ça doit être bien gras. Ouais. Plein de sève, ça doit retenir l'humidité un temps fou. Bah oui, voilà. Ça sèche jamais vraiment. Donc à mon avis, jamais tu fous le feu là-dedans. Ouais. Un champ de maïs, oui. Un champ de blé, oui. Un champ d'herbe comme ça, je pense, c'est mort. Surtout s'il a plu il y a pas longtemps. Mais après, on n'est pas expert en. Mais là, oui, ça insiste pas mal sur le fait que le champ est humide. Il y a régulièrement des plans, d'ailleurs, sur des personnages qui marchent dans une flaque de boue sans que tu saches si c'est toujours la même ou si c'en est différente. Ça aussi, pour égarer, c'est vraiment pas mal. Ouais, ça aussi, c'est une bonne idée. Donc voilà, ouais, une scène qui est bien dans les deux versions, qui est très malsaine dans les deux versions, qui est le moment le plus malsain en fait dans les deux. Oui, des deux versions, oui, c'est ça. Mais qui du coup marque la fin, enfin la conclusion de la nouvelle, alors que le film lui se continue. Ouais, va se diriger vers quelque chose de plus positif au prix d'un sacrifice, mais quand même. Oui, parce qu'après t'as du coup Travis qui intervient, qui arrive à sauver Becky, qui lui, du coup, touche la pierre. Oui. Mais qui ne sombre pas dans la folie, en tout cas pas tout de suite. Ouais. Et qui arrive à pouvoir l'amener, justement, il est obligé de la toucher pour pouvoir savoir comment sortir du champ. Voilà. Et donc du coup, il arrive à faire sortir du champ le gamin. Ouais, qui est le seul survivant à ce moment-là. Voilà. Qui lui va pouvoir faire en sorte que Becky et Cal ne rentrent pas dans le champ. Ouais. Moi, j'aurais vu comment aurait tourné Cal. J'aurais dit, lui, il peut y aller, mais nous, on se casse. Ouais, mais c'était peut-être compliqué de récupérer les deux. c'était soit les deux, soit aucun. Ou alors le problème Cal, il se règle après. Ou alors tu passes un message à Becky, tu lui dis, il t'aime comme un frère, mais pas que. Mm-hmm. Donc fais quand même attention. Est-ce que tu as lu Le Trône de Fer ? Est-ce que tu vois qui est Jamie Lannister ? Voilà, il faut quand même prévenir, un minimum. Mm-hmm. Mais bon, après, à cet âge-là, tu me diras. Oui. Il comprend pas tout. Ouais, mais bon, faut lui faire passer un mot. Mais du coup, j'aime bien l'image de fin où tu vois Travis qui a eu sa rédemption, oui, et qui meurt limite paisiblement en fait. Oui, et dont on peut supposer qu'il va être absorbé par le champ, qui est toujours là au final, donc il y a probablement des gens qui vont se relaisser piéger. Ça. Voilà, moi je pense qu'on peut passer au classement. Oui, bah allons-y. Allons-y. Nous passons donc au classement, et comme d'habitude, je vais m'occuper du classement des livres. Pour les trois premiers, nous avons donc Cimetière, Ça et Charlie. Et pour les trois derniers, toujours les mêmes, L'année du loup-garou, Dr Sleep et Grand Chauffeur. Alors, dans Les Hautes Herbes, comme j'avais dit, moi, c'était bien. Ça manque de trucs, mais c'est pas non plus extraordinaire, hein. Oui, jusque-là, je te suis, j'attends de voir où tu veux le mettre. Je regarde. Tu vois, par exemple, j'ai même plus d'affection en tant que nouvelle pour Le Rapace Nocturne, qu'on a abordé il n'y a pas longtemps, que là, dans Les Hautes Herbes. Ah oui, donc ça va assez bas pour toi, oui. Bah, en fait, c'est assez bas, mais Le Rapace, c'est quand même... pas de mauvaise qualité. Oui, après, oui, bah, mais oui. En fait, c'est ça, le classement lecture, c'est qu'il y a très peu de daube, en fait, au final. C'est quand même, la qualité est là, assez tôt. Oui. C'est-à-dire, dès la 24e position, en fait, il y a de la qualité. Enfin, tu me diras, même quand l'autovirus met Capricorne... Oui, c'est loin d'être des mauvais trucs, ce qu'il y a derrière. Mais en fait, Le Rapace Nocturne, bah, c'est bien, vraiment... Les Hautes Herbes aussi, mais c'est que c'est un récit complet qui n'a pas de manque, ouais, que ce soit. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais moi je l'aurais mis, tu vois, moi je l'aurais mis avant Dreamcatcher, donc à la 20e place entre Le Fléau et Dreamcatcher. Ah, d'accord, je crois que tu disais entre Dreamcatcher et Dernière Affaire de Mnet. Non, entre Le Fléau et Dreamcatcher. Moi j'aime bien l'ambiance, hein, de celle-là. Ouais. Ou alors on le coupe La Poire en deux. Oui, je pense qu'on va faire un truc comme ça. Et on le met entre Domney et La Précieuse. C'est-à-dire à peu près en milieu de nos deux avis. Oui, si tu veux, je peux même t'accorder en dessous de La Précieuse, hein, si tu tiens. Parce que La Précieuse, j'ai vraiment beaucoup aimé. Oui, oui, c'est vrai qu'elle est bien. Voilà, elle est juste en dessous de La Précieuse, ça me paraît bien. Ah bah, c'est parti. Donc Les Hautes Herbes qui prend du coup la 23e place. Ouais, c'est ça. Des films, nous en avons actuellement 43. Avec fait, hein, en première place Carrie au bal du diable de Brian De Palma, en deuxième Chambre 1408 de Michael Avstrom, et en troisième No Smoking d'Anurag Kashyap, et aux trois dernières Les Enfants de Salem de Larry Cohen, The Mangler Reborn de Eric Garner et Matt Cunningham, et Dr Sleep de Mike Flanagan. Vous pouvez y retrouver les classements complets dans la description. le film Dans les hautes herbes. Ah, est-ce que c'est moins bien que Carrie au bal du diable ? Oh bah oui, quand même, faut pas exagérer. Je regarde un peu tout. Par contre, je trouve ça mieux que Le cimetière de Marie Lambert. Il est ouf. Le 11e actuellement. 12e, pardon, actuellement. Ah, tu trouves ça mieux ? Ouais. Toi, tu l'aurais mis en dessous ? Ah, quoique, je sais pas. Bah, dis-moi au pire, hein, toi, vers où tu l'aurais mis, à ton avis ? Bah, je regarde. Mais non, c'est une position qui me dérange pas plus que ça, en fait, effectivement. Parce que je le mettrais pas au-dessus de Fenêtre secrète, mais peut-être justement entre Fenêtre secrète et Cimetière. Oui, parce que Cimetière a quand même pas mal de défauts non plus. Hein. Ouais. Il non, a bah pas ça... de moment vraiment très très marquant, Cimetière, hein, dans mon souvenir. Il est plan-plan. Oui, voilà. Bah, il est très classique. Ouais. Non, moi ça me va. Donc, 12e place. Entre Fenêtre secrète et Cimetière. Ouais. Très bien, moi c'est pas mal. Là, ça fait quelques épisodes qu'on classe des trucs à des relativement bonnes places quand même. Ah oui, ça fait quelques épisodes où on a surtout des bons films. Ouais, c'est ça. On va voir tout de suite si c'est quelque chose qui va se prolonger sur les prochains épisodes. Ouais, c'est le moment où on a peur en fait. Ouais, c'est ça. C'est qui tire en premier, c'est toi ? C'est moi aujourd'hui. Donc, je vais... Agitez bien, on va bien voir, voilà, je ne regarde pas. Suspense. Et voilà, j'en prends un qui est bien en dessous. C'est le moment que tout le monde nous envie. Voilà. Je te passe la boîte. La boîte. Ah bah oui, ça va plutôt pas mal continuer, puisque j'ai pioché Creepshow. Ah, de Georges Romero. Le premier ? Oui, celui de Romero, ouais. C'est bien, pour une fois qu'on commence par un numéro 1. Ouais. Alors, j'ai pioché... Voilà. Attends, parce que j'avais chopé deux petits bouts. Hop, tiens. Alors, une petite précision par rapport à Creepshow, parce que la situation est un peu compliquée. C'est entièrement scénarisé par King, et il y a deux segments qui adaptent des nouvelles, à savoir Mauvaise Herbe et The Crate. Voilà. Ok. Encore des herbes. Oui. Alors, j'ai tiré... Jean-Luc Mélenchon au second tour ? Non, c'est pas... J'ai tiré... Eh ben, The Mist, de Franck Darabont. Oh, bah oui, d'accord, ah, voilà. Intéressant. Voilà, on enchaîne Franck Darabont. Oui, enfin, on enchaîne Franck Darabont. Qui s'inquiète pas, hein, ça voilà. Va aller pour lui. Non, mais ça va bien se passer. Donc, adapté de la nouvelle... du recueil de nouvelles brumes. Oui, enfin de la nouvelle brume, qui est une nouvelle longue qui ouvre le recueil. Le recueil a un nom, je crois, ou... Il s'appelle Brume, il a été divisé en deux tomes dans certaines éditions françaises, il y a Brume Paranoïa et Brume je sais plus l'autre. Il me semble même que Albin Michel a ressorti Brume, uniquement Brume. Oui, dans sa collection où ils ont fait aussi Chambre 1408, ouais. Le chien du soleil, ou je sais plus le titre français, etc. Redemption. Ouais, les évadés, ce genre de truc. Le corps aussi. Et un Avdoué peut-être. Donc. Ils ont ressorti les 4 nouvelles de 4 saisons déjà. Non, je crois pas qu'ils ont fait la méthode respiratoire. Ah, effectivement, ouais. Peut-être pas. Mais bon, voilà, on va encore reparler de Franck Darabont. Ouais. Et ça va me donner occasion de revoir Brume. On verra bien si mon avis a évolué. Voilà. Et là, l'avis ne sera pas le même pour Issa et moi. Potentiellement, après, on ne va pas totalement changer d'avis. Hein, mais... Bon, on reste quand même sur des choses relativement bien. Oui, on reste quand même sur de la qualité. Je sens qu'après, on va avoir un retour de bâton en piochant un nombre de trucs nullissimes d'affilée. Ah, mais des démons du maïs, des trucs chelous. Est-ce que c'est pas un peu ça qu'on veut quand même ? Ouais, si. De temps en temps, voilà. Ouais. Bon, bah, en attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. @cinémaarchiviste pour toi, @augrédesbulles pour moi. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Discord, on mettra le lien dans la description. On vous tiendra au courant des autres podcasts. On peut dire que Chris fait aussi régulièrement des lives Twitch où il essaie de jouer à des trucs. Hein. Mais comment ça, j'essaye ? On peut. Oui, il essaye. Du coup, là, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais faire. Parce que là, à l'heure d'aujourd'hui, ça va être Nioh. Mais à l'heure où vous écouterez ce podcast, j'aurai peut-être fini Nioh, donc je serai peut-être sur un autre truc. Donc le mois du passé ne sait pas ce que le mois du futur va faire. C'est compliqué. Oui. C'est compliqué quand même les podcasts, vous savez. Bon, dans tous les cas, ce sera Twitch. Beaucoup d'échecs. Hein. Dans tous les cas, sur Twitch, des fois avec Florian, des fois tout seul, des fois c'est Florian qui fait tout seul. Voilà, sur la chaîne The Lost Tales. Voilà. Et en attendant, n'oubliez pas... que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24h sur 24. A plus. Salut. Miam, allez hop, aval. Voilà une bonne petite fille. On va le sortir de son contexte, c'est bien.